Mais il faut quand même souligner que justement ça montre le destin un peu particulier que ces histoires peuvent avoir, où on a beaucoup de textes qui nous sont conservés par un seul manuscrit, et on peut supposer qu'ils en avaient plus. Là, c'est un peu la version limite, où justement il a été sauvé par un, sauvé entre guillemets, par un autre espace linguistique, et il a pu avoir une espèce de c'est un peu un cas de Big in Japan, où David Hasselhoff, qui est hyper populaire en Allemagne. C'est un peu ce cas-là. Mais c'est même plus que ça, je dirais, c'est peut-être parce que c'est possible qu'il n'y ait pas eu de version de Geoffrey en français, en langue d'oil. C'est possible simplement que ce soit une construction pure et simple, à partir d'autres éléments, qui ait du coup choisi ce nom, ce personnage, comme un peu le représentant occitan de la matière de Bretagne, sans qu'il ait vraiment une origine ailleurs. C'est relativement difficile à dire parce qu'on n'a pas d'autres sources en fait. On n'a pas un équivalent anglais ou allemand ou français du roman de Geoffrey, donc difficile à dire. Now stand aside, worthy adversary. 'Tis but a scratch. A scratch? Your arm's off. No, it isn't. But what's that then? I've heard worse. You liar! Come on, you pansy! Mais j'ai pas dit que j'aimais pas les rousses. N'empêche que vous préférez les romaines. Elles sont pas tellement rousses, à ce que je sache. Hein. J'ai un faible pour les latines. Look, you stupid bastard! You've got no arms left. Yes, I have. Look! Just a flesh wound. Look, stop that! Chicken! Chicken! Look, I'll have your leg. Come on, then. All right. We call it a draw. Rex Quondam, Rexque Futurus. Épisode 21, le roman de Geoffrey. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bon retour depuis Paris où nous étions récemment pour notre émission live qui commençait cette année après notre pause de janvier annuelle. Ouais, on commence notre vraie saison à proprement parler, nos épisodes standards, mais on a fait ce petit épisode hors série consacré au film Excalibur de John Borman. Qu'on a fait en public et avec des invités. Avec notamment Justine Breton, qui nous avait déjà fait l'honneur d'apparaître dans notre podcast lors d'un autre épisode hors série. Pour parler de son livre à l'époque, là c'était pour parler effectivement du film arthurien. Et on a eu aussi Bob et Zali de L'Appel de Cthulhu, l'autre émission littéraire de Radio Kawa. Mm-hmm. Qu'on vous recommande aussi, hein, c'est une très bonne écoute, ils sont très sympathiques. On vous recommande, disons, le dernier épisode où ils parlent d'Alice au Pays des Merveilles, mais en fait ils parlent à chaque fois de leur lecture de ce mois-là, donc qu'est-ce qu'ils sont en train de lire, et puis aussi ils ont à chaque fois un épisode où ils lisent ensemble un classique de la littérature en général. Et honnêtement, c'est assez intéressant comme émission, on vous le recommande. Oui, c'est un peu comme ça, ils font un peu comme nous en fait, hein, peut-être de façon... ils font un peu comme nous, mais pour les classiques de la littérature quelque part. Mm-hmm. Du coup, si vous voulez avoir des recommandations de lecture de grands classiques comme de lecture plus contemporaine, effectivement, on vous les recommande très volontiers. Et vous pouvez bien sûr retrouver notre épisode hors série hein, sur Radio Kawa, même heure, même endroit. Oui, si vous voulez nous entendre impitoyablement couper la parole de tous nos invités, parce qu'on a déjà nous deux, on a de la peine, alors quand on est cinq en plus, ça devient un peu difficile. Ouais, la prochaine fois, on mettra des buzzers, tu sais, tu buzzes pour avoir la parole. Ça électrocute le chroniqueur de Avec un temps de parole comme dans les débats présidentiels, tu sais, français. C'est sympa, ça change un peu le rythme comme ça, c'est un côté plus naturel peut-être. Oui, puis c'est un peu moins obscur que la plupart des œuvres dont on va parler. Oui, ça aide aussi. Comme celle dont on va vous parler aujourd'hui d'ailleurs, c'est un peu une exception dans le paysage de la littérature arthurienne. C'est le roman de Geoffrey, qui se prononce d'ailleurs peut-être pas comme ça, mais c'est le seul roman arthurien, je crois, qui a été conservé en langue d'oc. Donc il y a cette séparation entre langue d'oc et langue d'oil sur laquelle tu pourras peut-être nous dire un mot. Mais c'est le seul roman c'est ce continuum dialectal qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France, l'Espagne, le nord de l'Italie aussi. Un peu le nord de l'Italie. Toute la partie vraiment qui va de grosso modo Barcelone à juste à la frontière piémontaise. On est vraiment dans des langues assez voisines. Ça couvre aussi bien sûr la Provence, hein. Le provençal, c'est une langue d'oc. L'occitan, c'est évidemment l'Occitanie moderne a hérité son nom de là, mais le languedoc aussi d'ailleurs. Ouais. C'est un continuum de dialectes qui est voisin du français. Il est plus proche du français que de toute autre langue, du français contemporain, mais ils sont quand même... c'est pas de cette langue qui est venue le français, mais c'est pas non plus de cette langue qui est venue le catalan ou qui est venue l'espagnol. Donc c'est un peu une langue qui n'a pas eu de descendance, outre les langues d'oc modernes, en fait. Oui, quand on essaie, pour un lecteur francophone qui essaie de le lire aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que c'est du français matiné d'un peu d'espagnol. Il y a des langues, il y a des textes occitans qui sont... un peu plus proche de l'espagnol, justement, où on voit quelque chose d'un peu plus proche. Et notamment, le texte qu'on va voir aujourd'hui, Joffrey, a eu un très grand succès en Espagne. Donc, il a aussi été adapté après par des Espagnols. C'est pas très étonnant. Ça vient d'une sphère linguistique qui est quand même extrêmement tournée vers la péninsule ibérique, qui va avoir beaucoup de liens, même à travers les Pyrénées. Donc, c'est pas spécialement étonnant. Par exemple, le roman de Joffrey chante les louanges du roi d'Aragon. C'est d'ailleurs une des manières qu'on a de le dater. Donc c'est quand même quelque chose qui est visible dans le récit, qu'on n'est pas vraiment dans ces terres du nord de la France, ces rois et ces princes champenois ou lorrains ou alsaciens pour lesquels Chrétien de Troyes écrit. On est vraiment dans une dimension beaucoup plus méridionale. C'est vraiment la langue d'oc est assez différente, effectivement. Après, je trouve, comme en général d'ailleurs, les langues médiévales, si vous maîtrisez un peu deux trois autres langues, les langues médiévales sont toujours plus en quelque sorte plus facile à comprendre que leur parente moderne, pour moi, parce que même si vous n'avez pas beaucoup d'allemand, le vieil allemand est peut-être presque plus simple parce qu'il est moins distinct, il est plus proche d'autres langues germaniques. Il y a ce côté un peu pas encore très divisé, pas encore très séparé, on retrouve des caractéristiques qui le rendent peut-être plus proche du français moderne. Maintenant, ça reste très très différent. Le vieux français, en général, je trouve que c'est moins difficile à lire, là, pour le coup. Oui, si vous voulez, le début de Joffrey commence, par exemple, « D'un cumte de bona maneira, da sautarasun vertadeira, de sein et de cavalleria, d'ardiment et de cortesia, de proezas et d'aventuras, d'estrenas de force et de duras, d'assaut d'encontre de bataille, pudet ossir la commensaia. » C'est-à-dire d'un conte de bonne manière sur un joli thème véridique plein de sens et de chevalerie, de hardiesse et de courtoisie, de prouesse et d'aventure, d'étrange, forte et rude, d'assaut, de rencontre, de bataille. Vous pouvez entendre ici le début. Donc il y a vraiment... Non, il n'y a pas besoin d'être... disons, à l'oral, c'est presque plus difficile qu'à l'écrit, parce que quand vous le voyez écrit, c'est pas très difficile de voir que un conta de bona maniera, c'est un conte de bonne manière, que cavalleria, c'est chevalerie. Maintenant, on voit assez facilement. C'est plus distant que le français médiéval de Chrétien, par exemple. Donc il y a quand même une difficulté supplémentaire. Maintenant, effectivement, comme le français médiéval, je vous conseille pas de le lire dans l'original. Vous allez voir qu'on a étudié des traductions, hein, c'est inévitable. Ouais. Mais ça reste relativement proche, effectivement, si vous voulez voir l'original. C'est pas comme lire de l'anglais médiéval, c'est pas comme lire Lachmann, par exemple, là, vous allez être un peu perdu, je pense. D'ailleurs, tu as mentionné un peu la datation grâce à un éloge du roi d'Aragon. Il y a deux éloges du roi d'Aragon qui sont dans le fil du roman. La date est assez disputée, c'est-à-dire que si je prends la discussion de Michel Zink, il y a De Ricker qui pense qu'il a été fait autour de 1169-1170, puis remanié après 1200. Rita le Jeune pense plutôt que ce serait autour de 1180, donc ce serait plutôt dédié à Alphonse II. Zink pense que ce serait plutôt le premier quart du XIIIe siècle, donc entre 1200 et 1225. Et Brunel, finalement, pense que ce serait plutôt entre 1225 et 1228, donc vraiment au tournant du quart du XIIIe siècle. Donc vous avez basiquement une espèce de spectre de 50 ans, et puis suivant à quel monarque d'Aragon vous pensez que c'est plus dédié, peut-être des indices linguistiques aussi. Jacques d'Aragon, hein, selon le récit, en tout cas. Jaime ou Jaime... enfin, je sais pas, Jaime, je sais pas comment prendre ça en espagnol moderne, enfin Jacques d'Aragon, qui est honoré. Donc justement, ce serait Jacques Ier s'il a été fait effectivement entre 1225 et 1228, mais il y a des gens qui pensent, est-ce qu'il existait avant et que c'est un ajout après? Donc il y a la question, justement, comme le dit par exemple De Ricker, qu'il aurait été fait à la fin, dans le dernier tiers du XIIe siècle, et puis remanié, justement, mis à jour pour un roi d'Aragon autour de 1225. Ce qui pose un peu un problème. C'est pas extrêmement crucial parce qu'il y a pas beaucoup d'éléments qui demandent une datation très précise pour pouvoir vraiment trancher ce qui se passe dedans. Il y a des questions qui se posent, par exemple, est-ce que il connaissait les continuations de Chrétien, par exemple? Donc effectivement, ça pourrait faire pencher la datation d'un côté ou l'autre, mais je crois que ce sera pas forcément crucial. Oui, certaines personnes disent, ouais, il a probablement écrit au milieu de la carrière de Chrétien, il n'a pas l'air très au courant de tout, mais il y a certains éléments qui me semblent vraiment trop inspirés de Perceval, par exemple, pour intervenir aussitôt que 1170, par exemple. Typiquement, l'arrivée de l'histoire de la façon dont Geoffrey arrive à la cour du roi Arthur, c'est quasiment un calque sur celle de Perceval que Kay envoie chasser un méchant qui est venu offenser la cour. Ça me semble être trop proche de... À moins que ce soit lui qui a inventé le récit, mais ou bien, ça me semble douteux. C'est vraiment très très proche de ce que fait... C'est très proche. Ça s'insère aussi généralement dans les discussions autour d'un proto-Perceval. Donc c'est le fameux est-ce que Chrétien avait une source, peut-être pas galloise, mais bretonne ou quelque chose, ou un motif précédemment. Donc là, on a... On devrait peut-être faire d'ailleurs un épisode une fois sur ce genre de questions-là, où ce serait... D'où viennent les sources de Chrétien Parce que sur le proto-Perceval, on peut en écrire des pages et des pages, mais c'est plus intéressant une fois qu'on a vu un peu toutes les variantes. Et Geoffrey, justement, est parfois cité dans ces discussions. D'ailleurs, tu disais, Geoffrey, on est censé le dire comment Alors, il y a un débat. Vous allez voir, on utilise plusieurs éditions. Celle de la traduction de René Lavaux et René Nelly, dont eux, ils suggèrent que l'original devrait se prononcer Geoffrey. Geoffrey. Mais ils considèrent que Brunel, qui a édité le texte pour les textes... Qui est la traduction critique de référence, en fait, si vous voulez, en recommandant l'emploi de l'accent aigu en français moderne, se trompe un peu parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir cet accent aigu. Selon eux, on devrait plutôt dire Joffre, ce que je trouve pas très élégant. Maréchal Joffre. Après, c'est vrai que ça rend peut-être plus le nom Geoffroy pour un francophone, c'est peut-être plus proche. C'est la même racine, hein, c'est clairement là quel nom, hein, c'est ce nom germanique. Ouais. Gottfried, en fait, à la base. Je crois que nous, on va dire Geoffrey, donc j'espère que nos auditeurs ne s'en offusqueront pas. Puisque tu évoques les éditions, justement, tu as, je crois, ce qui est un peu pratiquement la seule édition bilingue qui a été faite par justement René Lavaux et René Nelly dans un ouvrage Les Troubadours, qui collecte plusieurs textes, où il y a le texte en vis-à-vis de sa traduction. Oui, alors faut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éditions. Il y a eu beaucoup de succès en allemand, beaucoup d'allemands, en fait, des versions éditées dans la première moitié du XXe siècle. Ça, c'est un des trucs... C'est classique, il y a une édition anglaise, une édition française et 8 éditions allemandes. Il y a des éditions plus, disons, courantes aussi en italien. Alors, si on regarde que les éditions françaises, donc, dont la paracritique sera en français, il y a une très vieille édition de Renoir autour de 1836-1844, dans un ensemble de grammaire et de littérature romane, où il va vraiment chercher de la littérature troubadouresque, si vous voulez. Mais autrement, c'est vraiment tous les Allemands et les Italiens, d'une certaine façon, jusqu'à l'édition de Clovis Brunel, dans la Société des Anciens Textes Français, donc là, on est en 1943. Cette édition-là, elle a servi de base à la plupart des autres éditions et traductions. Il y a une traduction qu'on a donnée Brunel lui-même, mais enfin, c'est pas vraiment une traduction, c'est plus une... C'est vraiment plus une adaptation, une version adaptée pour enfants, je pense surtout, qui coupe beaucoup dans le texte, qui réduit, qui simplifie à l'extrême le texte. C'est une très belle édition, hein. Si vous tombez dessus, elle a été éditée à Neuchâtel par La Baconnière, avec des illustrations de Marcel North. Et alors Marcel North, c'est un illustrateur assez connu, il a fait plein, je crois qu'il avait fait d'autres éditions, d'autres travaux du même genre pour d'autres livres. C'est possible qu'il en ait fait un Perceval, il me semble. Ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, ce que je connais Marcel North, c'est parce qu'il a édité le livre de cuisine d'école ménagère, si vous voulez, qui servait de référence dans l'année 70-80, et que ma mère a utilisé à l'école quand elle faisait ses cours de cuisine, quand elle était à l'école secondaire, et qu'elle a gardé, qui a son reste de cuisine. Et donc, du coup, c'est lui qui a fait toutes les illustrations de ce livre. Et quand j'ai ouvert ce bouquin de Geoffrey, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un livre de cuisine à cause des illustrations. Donc, ça, c'est l'édition neuchâteloise de 1950. Qui, alors, si vous voulez lire en vitesse, ça devrait suffire, mais après vous n'aurez pas tout le détail du texte. Bon, je ne sais pas si vous allez tomber dessus comme ça dans la rue. Voilà, c'est ça. Mais si vous la trouvez, c'est une jolie édition à avoir. Par contre, en 1960, il y a une édition qu'on doit à René Lavaux et René Nelly, dans une espèce d'une collection intitulé Les Troubadours, c'est une collection en plusieurs volumes. Alors Geoffrey ouvre le premier volume qui est consacré à Geoffrey, à la version romane, à la version occitane de Barlaam et Josaphat, qui est une espèce de vie de saint. Mais qui est basée sur la vie du Bouddha. Il faudrait qu'on fasse un épisode juste rien à voir, parce que c'est juste une histoire très très drôle, l'histoire de Barlaam et Josaphat. Qui inclut aussi un des autres rares romans chevaleresques, proche de Geoffrey, même s'il est parturien, c'est Flamenca. Et c'est en fait une édition qui est basée pour Geoffrey sur celle de Brunel, mais avec une traduction qui prend parfois, ils prennent parfois leur liberté avec Brunel, et ils altèrent quand même certaines décisions, notamment sur le choix de justement d'écrire Geoffrey Geoffre, et de le prononcer comme ça. Mais autrement, voilà, c'est une édition... c'est marrant parce que l'appareil critique n'est pas non plus extraordinaire, j'ai pas été frappé par la qualité, très spéculatif, on sent qu'il y a pas... C'est un travail, disons, compétent, mais c'est pas non plus extrêmement profond. Après, voilà, ça suffit pour lire le texte. C'est une version intégrale. Il existe une autre traduction que vous aurez peut-être moins de peine à... sur laquelle vous aurez peut-être moins de peine à mettre la main. C'est celle, justement, de Michel Zink, dans dans l'autologie qui est Loki la plus utile quand on parle de textes obscurs en matière de Bretagne. C'est celle de la collection bouquins. Oui, la Légende arthurienne de 1989, je crois. C'est la première, c'est de 1989, ouais, la première édition. Qui s'appelle La Légende arthurienne. Il y a une traduction de Michel Zink qui se base sur celle de Lavaux et Nelly, qui se base sur l'édition Brunel. Donc, basiquement, c'est le même texte. Il a une petite introduction où il pose un peu les bases de ce qu'on vient de vous dire, en fait, les quelques débats qu'il y a autour du texte, la datation, la dédication au roi d'Aragon. Un autre problème qui se pose aussi, c'est la question des deux auteurs, parce que typiquement, le paragraphe final nous laisse entendre qu'il y a quelqu'un qui a commencé l'œuvre et qu'il y en a un qui l'a fini. Genre, il dit « saluer l'âme de celui qui a commencé l'œuvre » et puis « merci ». Enfin, je sais plus comment il dit ça, mais ça laisse un peu entendre que celui qui a commencé est mort et que celui qui l'a fini est vivant. Alors, est-ce que c'est... Si on est un peu mesquin comme ça, on pourrait dire, est-ce que c'est une référence à Chrétien de Troyes, justement? Est-ce que c'est justement un jeu de langage sur Chrétien de Troyes? Est-ce qu'il y a vraiment deux auteurs qui l'ont fini? Ou bien est-ce que peut-être c'est une formulation un peu bizarre? Donc il y a un peu un débat. Puis bien sûr, si vous admettez deux auteurs, bah, il va y avoir la question de « Oh, là, il y a la première version, puis il y a la deuxième version. » Mais bon, c'est toujours très artificiel comme discussion. Si je dois vous recommander une version à lire, c'est probablement celle de Michel Zink. Déjà parce que c'est celle que vous aurez le moins de peine à trouver, à part... Alors, vous pouvez l'acheter, disons, dans le commerce, déjà. Les autres versions, si vous les cherchez en bibliothèque universitaire, vous allez finir par les trouver, mais elles sont peut-être aussi pas aussi simples à lire, et la version de Michel Zink est d'une certaine façon agréable parce qu'elle abrège le texte. Elle abrège le texte même à des moments qui sont un peu bizarres, on va en parler, mais la Légende arthurienne, c'est 1200 pages, et puis effectivement vous avez plein de textes dedans qui vont vous servir à un moment ou à un autre, qui risquent de faire un peu doublon avec le reste de votre bibliothèque à un moment ou à un autre, mais il y a plein de petits textes intéressants, donc en termes d'anthologie c'est vraiment pas mal. Disons, le Geoffrey fait à peu près 11 000 vers. Donc dans les octosyllabes, tout ce qu'il y a de plus classique. Malheureusement, voilà, il y a beaucoup de répétitions, des passages assez, quand même, vraiment des aventures qui sont parfois répétées quasiment avec une seule petite variation. Dans certains cas, elles ont un intérêt. Typiquement, on va le voir, la question de Geoffrey qui est réveillé par plusieurs personnes successives et qui chaque fois pense que c'est la même personne. Oui. Donc là, il y a une exploitation avec de la forme justement qui est intéressante. Par moment, c'est peut-être plus redondant. Oui, ça vous dit quand même des choses bizarres où on vous laisse quand même 5-6 pages de tergiversation amoureuse où des gens se disent « Oh, mon cœur est transpercé par l'amour, mais que ressens-je ?» Et puis les gens, ils parlent de leurs sentiments intérieurs pendant 20 minutes. C'est peut-être le plus difficile à abréger et à rendre, alors que si c'est juste une description de type qui se tape à la figure, c'est peut-être plus... Alors que par contre, Geoffrey, il court après le grand méchant pendant toute l'histoire, mais finalement, le combat final contre lui est abrégé. Donc c'est un petit peu... Ça fait quand même un petit peu... Il me semble que Michel Zink a vraiment cherché à donner les parties du récit qui étaient les plus originales. C'est vrai, mais cas-là, c'est vraiment cette digression sur l'amour qui n'est pas sans rappeler celle de Chrétien, donc Ligès. On le verra quand on l'abordera. Mais du coup, ça vous coupe un peu l'herbe sous le pied quand vous arrivez au combat. Si vous attendez le combat final dans cette édition-là, vous allez être un petit peu déçu. Bon, si vous le lisez, vous allez être déçu aussi parce qu'il n'est pas palpitant non plus. Mais... Alors, des manuscrits de Geoffrey, on n'a pas énormément de survivants complets. En fait, il n'y en a vraiment qu'un seul qui est relativement complet, c'est le manuscrit français 2164 de la BNF, qui comprend 110 feuillets, donc qui comprend quasiment tout le texte. Quelques lacunes. L'édition qu'on utilise, enfin l'édition sur laquelle la plupart des éditions donc, sont basées, comble ces lacunes avec un autre manuscrit, le 12571, donc toujours de la BNF français, qui est un manuscrit fragmentaire, qui comprend surtout le début, je crois, mais qui a quelques variantes qui sont utiles. Le reste, il y en a à peu près une demi-douzaine d'autres. Qui sont très fragmentaires. Qui sont très fragmentaires, mais qui témoignent quand même d'une certaine diffusion. D'une certaine diffusion, parce que ces autres manuscrits représentent tous des manuscrits différents. C'est pas comme si on avait un seul autre manuscrit qui avait été dispersé dans 15 librairies, dans 15 bibliothèques. C'est vraiment un manuscrit qui a eu effectivement un texte médiéval qui a eu disons, un succès certain, notamment en Espagne, dans le monde espagnol, au point que ça soit transmis jusqu'à assez tardivement, en fait. Hein. Oui, donc on a, en fait, l'histoire de Joffrey en Espagne, c'est devenu un peu un espèce de best-seller, qui a probablement d'ailleurs inspiré, par exemple, l'histoire de Don Quixote, a probablement été inspiré en partie par une version de Joffrey. Il y a eu des espèces de chapbooks, donc des espèces de livrets feuillets qui étaient diffusés jusqu'au 17e, 18e siècle, assez tard. Il a été recopié, notamment des anthologies de poésie au 14e siècle. Donc il y a vraiment une espèce de continuité jusqu'à l'époque moderne, si on prend en compte l'Espagne, délaissé en France complètement, là c'est clair, il y a vraiment eu une perte d'intérêt pour Joffrey en France. En Espagne, vraiment non, c'était un énorme succès, différemment dérivé. Au 15e, je crois que dans les années 1500, il y a eu une version où on a incorporé des histoires, des morceaux de l'histoire de Joffrey et du cycle du Bel Inconnu en France qui a été imprimé. Mm-hmm. Donc, ouais, une version prose. L'histoire de Guinglin ou comme ça, d'un fils perdu de Gauvin, le Bel Inconnu. Qui a été mélangé à l'histoire de Joffrey. Mais le plus intéressant, c'est vraiment son destin espagnol, parce qu'il a été diffusé jusque dans les Philippines, en fait. Les Espagnols ont amené ces histoires avec d'autres types de romances, notamment des romans de Charlemagne, dans les Philippines. Et donc, on a une version de Joffrey en tagalog, donc qui est une langue austronésienne, donc je crois que c'est la sous-famille philippine malaisienne des langues austronésiennes, le tagalog, une version qui suit presque, il y a des omissions, des interversions, puis il y a des parties de l'histoire qui ont un peu perdu leur sens, mais chapitre par chapitre, c'est vraiment l'histoire qu'on va vous raconter là. Donc au 18e, 19e siècle, vous avez vraiment des livrets qui ont continué à se diffuser, puis qui ont vraiment aux quatre coins du globe où il y avait des Espagnols, cette histoire était très populaire. Oui, c'est ça, peut-être parce qu'elle a été une des rares légendes arthuriennes, qu'elle a pu avoir autant de succès, occuper autant de place dans la culture hispanique, je ne sais pas. En tout cas, elle est intéressante de ce point de vue-là, malgré effectivement très peu de parenté. Alors, il faut dire peut-être que Joffrey, je ne suis pas sûr que ce soit uniformément accepté, mais beaucoup de gens le voient comme une version de Girflay. Oui, Girflay, fils de Do. Là, c'est Joffrey, fils de Dozon. Oui. Alors, Joffrey n'est évidemment pas le même nom que Girflay. Mais la parenté de nom, parce que Geoffrey, c'est assez clairement un nom germanique à la base, c'est Gottfried, en fait, enfin Geoffroy, Geoffrey. Donc, mais l'histoire telle qu'elle est racontée par le manuscrit occitan, par l'histoire occitane, n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de Girflay telle qu'on la connaît, en fait, dans ce qu'on sait de lui dans la matière de Bretagne régulièrement, notamment l'épisode, dans certaines versions, c'est lui qui lance l'épée. C'est lui qui lance l'épée. Lac à la fin. Il est mentionné deux, trois fois par Chrétien, dans Eric et Enid, dans le Conte du Graal, quand il fait ses listes de chevaliers, mais du coup, ça ne nous dit pas grand-chose sur lui, quoi. Donc, cette parenté, effectivement, s'explique peut-être par là, mais c'est relativement incertain. Beaucoup de gens affirment ça comme parole d'évangile, j'ai pas encore vu de preuve très concluante. C'est peut-être simplement un nom qui a été adapté, qui a été choisi parce que c'était un nom local, ou un nom qui avait une couleur locale en tout cas, pour insérer un chevalier donc occitan, enfin qui sonne occitan pour un public justement qui serait friand de voir une version occitane de la matière de Bretagne qui avait tant de succès à l'époque, plus au nord. Mais il faut quand même souligner que justement ça montre le destin un peu particulier que ces histoires peuvent avoir, où on a beaucoup de textes qui nous sont conservés par un seul manuscrit, et on peut supposer qu'ils en avaient plus. Là, c'est un peu la version limite, où justement, il a été sauvé, entre guillemets, par un autre espace linguistique, et il a pu avoir une espèce de c'est un peu un cas de Big in Japan, ou David Hasselhoff, qui est hyper populaire en Allemagne. C'est un peu ce cas-là. Plus que ça, je dirais, c'est peut-être parce que c'est possible qu'il n'y ait pas eu de version de Joffrey en français, en langue d'oil. Possible simplement que ce texte... On va le voir, hein, le texte reprend beaucoup d'éléments très voisin de certains éléments de Chrétien, notamment. L'introduction de Joffrey doit beaucoup à celle de Perceval, on l'a dit, hein, mais c'est possible simplement que ce soit une construction pure et simple à partir d'autres éléments qui aient du coup choisi ce nom, ce personnage, comme un peu le représentant occitan de la matière de Bretagne, sans qu'il ait vraiment une origine ailleurs. C'est relativement difficile à dire parce qu'on n'a pas d'autres sources, en fait. On n'a pas un équivalent anglais ou allemand ou français du roman de Joffrey, donc c'est difficile à dire. On n'a pas donc une tradition manuscrite extrêmement forte, en tout cas suffisante en termes de manuscrits extants pour nous permettre d'affirmer grand-chose sur ce texte. Un truc qui me surprend, puis que je dirais juste, c'est que je trouve bizarre, étant donné que c'est Michel Zing qui fait la traduction qu'on a là, qui n'est pas d'édition de Joffrey aux lettres gothiques. Ça paraît bizarre, vu que c'est lui qui dirige la collection. Il a fait une traduction, il a l'air de bien connaître le texte, qui n'est pas si difficile. Tout le monde se base sur la même édition. Il n'y a pas de demande pour Joffrey. Je pense que c'est une réponse toute bête, hein, mais les lettres gothiques, c'est avant tout motivé par l'enseignement, et avant tout l'enseignement du français médiéval, que ce soit au niveau disons, universitaire ou même au lycée. Et je pense que Geoffrey n'est simplement pas enseigné parce qu'on enseigne extrêmement peu l'occitan. Ouais, mais il n'y a pas un réel intérêt à enseigner. Est-ce qu'ils n'ont pas justement envie d'avoir un petit quota occitan ? Alors après, c'est vrai qu'il y a des langues non... Il y a des partifales où vous trouvez partifales aux lettres gothiques. Vous trouvez par exemple le Beowulf aux lettres gothiques, ça c'est sûr. Donc, c'est pas que... Ils ne mettent pas que du français. Hein. Mais il me semble qu'il n'y aurait pas justement... Je ne suis pas sûr qu'il y ait justement un public pour ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un... Une demande d'édition de Geoffrey. C'est bien pour ça d'ailleurs que tous ces textes qu'on trouve seulement dans l'édition bouquin sont relativement peu édités. Je serais moins surpris de voir une édition de Geoffrey chez Champion par exemple. Ouais. Avant de le voir aux lettres gothiques, je me dirais peut-être le voir comme le Chevalier au Papagao par exemple, qui n'est pas édité aux lettres gothiques mais qui est édité chez Champion. Alors, enfin, il me semble en tout cas, me trompe peut-être. Alors peut-être un jour. Enfin, en tout cas, oui, effectivement, c'est pas. Vous l'avez vu, hein, c'est pas un succès énorme en termes d'édition moderne. Ironiquement, peut-être qu'il y a, c'est peut-être pour ça aussi qu'on le trouve plus en Allemagne ou en Italie ou en Espagne. Il y a peut-être un intérêt plus global pour les cultures romanes dans leur ensemble. Les Allemands parlent beaucoup de romanistique, par exemple, pour parler des langues médiévales de l'ère romane. Et ça inclut aussi des langues, d'ailleurs, comme le franco-provençal, qui est la langue parlée en Suisse et dans le centre-est de la France. Maintenant, c'est peut-être aussi pour ça qu'effectivement, en France, où les langues d'Oël sont devenues hégémoniques, on a relativement décidé de moins se concentrer sur ces parents pauvres. C'est aussi une conséquence de la Révolution française qui a supprimé les langues nationales. Mais tu sais, Antoine, si on commence à discuter du chauvinisme linguistique français, je crois que cet épisode... On est là pour 15 ans. Ouais, excédera un peu les dimensions même auxquelles nous avons habitué notre public. Alors, à la place, on va vous faire une petite pause musicale. On vous retrouve juste après... on est dans de l'espagnol un peu plus tardif, mais avec une musique qui est très française, et on vous retrouve juste après pour vous parler de Geoffrey justement. Thank you. On vient d'entendre Una Musica, un air de cour de l'époque de Louis XIII, composé par Antoine Boisset. C'était le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. C'est un merveilleux disque qui s'appelle « Je meurs sans mourir » consacré à la musique d'Antoine Boisset, publié chez Alpha en 2004. Je vous le recommande dans son ensemble. Ça, je vais tourner cette émission en une émission de recommandations musicales. Attendez-vous à entendre beaucoup de musique baroque dans les mois à venir. C'est peut-être l'occasion d'annoncer, effectivement, on a pris une décision un peu différente pour la musique cette saison, oui. Au lieu d'avoir... que du Wagner ou que du Purcell pendant toute la saison. Je vais essayer de varier un peu les plaisirs. Oui, on était vite à court de... On était vite à court, effectivement, de musique instrumentale tirée des opéras de Wagner. Plutôt que vous passer 15 fois le voyage de Siegfried sur le Rhin, on a essayé de varier effectivement les plaisirs. Et du coup, on va vous parler sur ces vers espagnols. On va continuer à vous parler d'un roman hispanisant, en tout cas, ou en tout cas dans la sphère d'influence hispanisante, vu qu'on parle de Geoffrey. Et c'est toi, Laïs, qui va commencer à nous introduire ce récit. Ce conte commence d'une manière qu'il faut dire est très classique. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le... On est dans le cliché. On est dans le cliché. Donc, est-ce que c'est une référence simplement à ces modes-là, à comment est-ce que Chrétien fait ses histoires? Ou bien est-ce qu'on est un petit peu en train de se moquer? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de chatouiller un peu le standard de la littérature arthurienne? En tout cas, je trouve que le comique du roman de Geoffrey est très sympa, même s'il est un peu répétitif. Il y a beaucoup de passages que je trouve très drôles, purement sur comment ils se produisent. Et d'ailleurs, ça commence à Cardueil, le jour de la Pentecôte. Arthur fait sa cour et il attend qu'un événement merveilleux, une aventure, se produise avant de passer à table, suivant la tradition. Alors les gens commencent à... C'est devenu un peu un cliché, hein, mais les gens commencent à avoir faim, à mourir un peu de faim, comme ça, et Arthur se dit « Bon, puisque l'aventure ne vient pas à la cour, je vais aller la chercher. » Il veut partir en quête d'aventure à la forêt de Brocéliande, puis il y a ses chevaliers qui essayent d'abord de le dissuader un peu, puis finalement ils disent « Bon, on va le suivre pour s'assurer que notre bon roi Arthur ne se fasse pas trop mal. » Et il rencontre alors une espèce de bestiole. Donc il y a un badaud qui lui dit « Il y a une espèce de bestiole qui est dans mon grenier en train de manger mon grain. » Et il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il sort son épée, il va voir dans le grenier, puis il voit effectivement qu'il y a une espèce de bête poilue avec des cornes qui est en train de bouffer le grain. Et alors il se dit qu'il va essayer de le choper, littéralement choper par les cornes, et il reste bloqué. Il n'arrive plus à le lâcher, il n'arrive plus à lâcher les cornes de la bête, et du coup la bête commence à ruer, à se barrer, puis il est à moitié accroché soit sur la tête, soit sur le dos de la bête, on ne sait pas trop, et il cavale derrière. Puis donc on se retrouve avec avec la moitié de la cour qui court derrière Arthur, puis il dit « Arthur, qu'est-ce que... Sire, qu'est-ce qu'on fait ?» Et puis Arthur dit « N'essayez pas de tuer la bête, parce que vous allez me tuer si vous le faites. » Alors, il ne sait pas on ne sait pas s'il sous-entend que sa cour vise pas très bien ou bien s'il se rend compte qu'il y a une espèce de solidarité magique, qu'il est enchanté à la bête, qu'il peut pas le lâcher. Et du coup, par exemple, Gauvin dit « Comment est-ce que je pourrais supporter de rester là sans rien faire ?» Et Arthur lui dit « Vous devez vous abstenir de frapper la bête si vous avez souci pour moi. » Gauvin jette sa lance par terre, détache son écu, il se met à déchirer ses vêtements, c'est très déchirant, tout le monde est extrêmement inquiet. La bestiole monte notamment, est en train de cavaler comme un cabri sur des hauteurs, sur une espèce de falaise, et il fait mine de pencher la tête, et puis Arthur pend ses cornes dans le vide. Donc tout le monde est en train de s'évanouir, de se déchirer les cheveux, il dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Arthur va tomber dans le vide. » Et il y a quelqu'un qui dit « Enlevons nos vêtements, et on va en faire un tas pour amortir sa chute. » Et c'est ce qu'ils font. Donc tout le monde se déshabille et fait un tas de vêtements pour amortir la chute d'Arthur. Et puis en fait, il se trouve que le taureau n'est pas un taureau ou une bête, mais c'est un enchanteur qui a fait une petite prank comme ça, une petite blague, et qui a pris l'apparence de cette bestiole parce qu'apparemment Arthur l'avait défié de prendre une espèce de backstory qui a expliqué comme ça. Arthur l'avait défié, s'il prenait l'apparence d'une bestiole, il lui avait promis une coupe d'or, le meilleur cheval possible, et puis de pouvoir donner un baiser devant tout le monde à la jeune fille la plus belle de son choix. Donc il pouvait décider qui était la jeune fille la plus belle et donner le baiser. Et puis il s'est dit « Ah, vous vous rappelez qu'on m'avait promis ça ? » Et ben c'était pour ça. Donc bon, tout le monde, la tension redescend, ok, il y a une aventure qui s'est produite, on peut enfin aller bouffer, et puis Arthur est sain et sauf. Ce qui fait que tout le monde revient à la quête. Donc c'est une espèce de prologue qui n'a pas grand-chose à voir avec... qui va revenir, on va avoir à peu près un épisode très similaire à la fin du roman, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire de Geoffrey, ça raconte juste ce qui se passe à la cour de la Pentecôte. On dirait un peu un cold open et un cold open de Community, tu sais. Oui, c'est ça, c'est un sketch séparé. C'est presque un sketch un peu séparé. Ça met un peu une continuité... c'est un peu comme un de ces podcasts qui font, un de ces vidéos qui ont une histoire, une storyline, oui, c'est comme Linkara, ces histoires dans la table de Fourth Wall, où il va chaque début et chaque fin d'épisode, ça va être à faire avancer l'histoire, et c'est un peu comme si au milieu il y avait une aventure qui n'avait pas grand chose à voir, et que ce cadre servait de, peut-être ça fait référence à un texte qui était transmis effectivement avec le texte à la base, hein. Peut-être que c'était simplement une histoire continue, peut-être que c'est simplement ça s'est resté parce que le poète original avait cette histoire déjà avant l'histoire de Geoffrey, on ne sait pas, c'est assez difficile, c'est assez curieux. Mais je crois qu'il y a cette histoire d'Arthur qui est sur une bête, on a essayé de trouver des correspondances, et notamment des correspondances iconographiques, notamment, on vous avait parlé, notamment dans la cathédrale d'Otrante, au sud de l'Italie, vous avez une mosaïque où vous avez un Rex Arthurus qui est à cheval sur une espèce de chèvre, ou une espèce de... on ne sait pas exactement, et puis il combat une espèce de jaguar. Donc on vous a dit peut-être c'est le chapalu, donc le fameux chat monstrueux du lac de Lausanne, ou bien peut-être qu'il est sur une bête, parce que c'est cet épisode-là, il a une espèce de bête un peu cornue, peut-être que ça pourrait être ça, peut-être que ça pourrait être une référence à cet épisode-là, où Arthur est coincé sur le dos d'une bête. Il y a aussi un autre clocher, je crois que c'est un autre clocher, je ne sais plus dans quelle région c'est, mais où vous avez différentes scènes qui ont été identifiées peut-être comme arthuriennes, et vous avez notamment quelqu'un qui est sur le dos d'un taureau apparemment. Il y a différentes interprétations, hein. C'est pas du tout sûr que les scènes qui sont là sont arthuriennes, mais il y a des gens qui l'ont supposé, et ça pourrait être une correspondance avec ça. Une autre hypothèse, c'est par exemple que ce serait une psychomachie, donc une représentation d'une bataille contre des forces psychiques, donc que ce serait la représentation, je sais pas, de quelqu'un qui est sur le taureau de la colère, ou je sais pas quoi, que ce serait une espèce de représentation symbolique, et qui aurait en fait rien à voir avec Arthur, mais par des espèces de raisonnements en 10 étapes, on a pu lier certains motifs iconographiques à cet épisode. Donc, c'est aussi cet enchanteur qui est intéressant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit Merlin, par exemple, mais en fait, il n'est jamais explicitement présenté comme Merlin, il est présenté comme un chevalier. Oui. Ça qui est aussi intéressant, c'est ce personnage un peu, qui a l'air de se gérer un peu nulle part, et qui va servir de... Et en fait, le truc, c'est que ça serait presque encore moins bizarre si c'était juste un fragment au début de Geoffrey qui avait survécu. Mais le fait est que ça revient à la fin. Ça revient à la fin. Et on va le voir, mais ça revient à la fin de façon presque pas télégraphiée. Mais quand on l'a lu, c'est difficile de pas se dire, quand on commence à voir la dernière aventure arriver, on se dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant, ça. Et ouais. Ça a l'air très intentionnel. Et du coup, c'est ça qui me pousse à me dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière de plus. Mais c'est vrai que c'est difficile à savoir exactement ce qu'il veut dire par là. En tout cas, c'est une ouverture assez... Est-ce que ça a à voir avec le reste du récit? C'est la question aussi que je me posais. Est-ce qu'on peut y lire une annonce un peu du reste? Est-ce qu'il y a cette idée de tout ce qui n'est pas comme les apparents? Une question d'apparence trompeuse peut-être? Qui est un thème qui revient? Je crois pas, parce que les méchants sont toujours un peu moches. Et puis c'est pas vraiment... Je crois que les gentils sont toujours beaux, les méchants sont un peu moches. Je crois pas que ce soit... Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une ouverture assez intrigante, quoi, par rapport aux aventures. C'est une parodie du motif chez Chrétien de l'aventure de départ à la cour de la Pentecôte, comme ça pouvait être la chasse d'un cerf qui déclenche le récit, sauf que c'est pas du tout rattaché au reste. Quelque part, c'est aussi le cas de Perceval quand on y réfléchit, parce que Perceval, c'est juste que Perceval, le début de Perceval est raconté du point de vue de Perceval, mais si on racontait du point de vue de la cour du roi Arthur, on aurait cette histoire de chevalier qui décide de partir pour poursuivre un type et qui, par hasard, tombe sur Perceval dans les bois. Ouais. Donc peut-être qu'il y a un écho à voir là-dedans, je sais pas. En tout cas, ça commence d'ailleurs, la suite va, après que tout le monde ait pu enfin manger et se laver les mains, c'est très important de se laver les mains. L'histoire va commencer d'ailleurs beaucoup comme Perceval en fait. Oui, en fait ça arrive avec l'arrivée d'un jeune homme, d'un tamoiseau qui arrive à la cour de Carduel, juste après un épisode un peu problématique pour Arthur, puisque Tola de Rougemont, alors c'est un personnage qui apparaît aussi dans le Tristan de Bérould, Tola ou Tolas, c'est-à-dire la table apparemment en ancien français, je sais pas d'où vient le rapport, mais enfin, qui est venu insulter Arthur à la cour, à sa cour, en tuant un homme devant lui. Et évidemment, on pense au chevalier rouge du début de Perceval qui prend ce qui arrive avec sa coupe, ou qui arrive avec qui a insulté Guenièvre. Là, c'est vraiment l'insulte d'avoir tué un homme de la maison d'Arthur devant lui et qui est parti derrière lui. Et c'est là que Geoffrey, le fils de Dozon, donc selon certaines versions, ce serait Guirflay, le fils de Do, qui vient d'arriver à la cour, est envoyé, qui veut se faire adouber par Arthur, donc exactement comme Perceval, est envoyé à la poursuite de ce taux-là par qu'il lui dit, qu'il met au défi en fait d'aller tuer. Mais c'est pas exactement le même verbiage, hein, que non. Dans. C'est pas que ne l'invite pas par exemple à aller chercher les armes de Tola. Où il y a quelque chose de très sarcastique. Aussi, il arrive comme Perceval, un peu comme un espèce de rougeau. On dit qu'il a le visage un peu martelé par le soleil, donc il a le visage un peu rouge parce qu'il est resté dehors. Mais par contre, on nous dit bien que sa tunique est bien coupée et que les choses sont bien. Il a les choses bien ajustées, donc il est bien habillé, il a une couronne de fleurs, donc c'est pas vraiment le rusto gallois qui vient, mais il est quand même il a quand même... Mais il a aussi une dimension beaucoup plus héroïque déjà que Perceval, parce que à la base c'est quand même lui qui demande à réparer l'affront, et c'est qu'eux qui le moquent, même s'il l'invite à aller à la suite. C'est pas exactement pareil que dans Perceval, où c'est qu'eux qui envoient direct Perceval. Là c'est vraiment l'instinct vient de Geoffrey. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'en fait, Arthur connaît le père de Geoffrey, parce que quand il se présente, il explique qu'il est fils de Dozon, ou fils de Dovon, selon la version de l'édition de des troubadours de La Voix et Nelly. Le roi Arthur, quand il apprend qu'il est fils de Dovon ou de Dozon, fait l'éloge du défunt père qui était un grand chevalier de sa cour. Et du coup, Geoffrey est armé chevalier par Arthur et part à la poursuite de Tola. Du coup, il y a ensuite ça va vraiment être la quête qui va faire l'arc de tout le roman. Donc, ça va être un peu le. Pas vraiment le truc final, parce que le truc final, vraiment, ça va être le mariage, comme souvent chez Chrétien. Mais disons, c'est un peu l'arc global où tout le roman, son but, sa quête, c'est de retrouver Tola de Rougemont et de venger l'affront qu'il a fait à la cour d'Arthur. D'ailleurs, les autres n'ont pas l'air plus émus que ça, qu'il y a des chevaliers qui viennent et qui tuent des gens comme ça. Oui, c'est ça. Non, il y a un côté vraiment intéressant, c'est que contrairement à certaines aventures arthuriennes où la quête principale, censément, va un peu partir au second plan, là, les événements sont relativement bien intégrés à l'histoire de Tola. Les personnages qui interviennent lui sont liés en général d'une façon ou d'une autre. Et ça amène un côté efficace narrativement. Et je sais qu'on dit beaucoup ces choses. Efficace. Non, mais il y a un côté vraiment assez plaisant, disons, narrativement. On n'est pas frustré par le fait qu'en fait, finalement, cette aventure ne sert à rien ou n'est juste un prétexte. Il y a vraiment. Non, il y a cette espèce de. C'est vraiment lié, en fait. On a notre héros, il a un objectif et puis il va essayer de le trouver. Mais sur son chemin, ça ne va pas forcément être des digressions ou des diversions parce qu'il va quand même se rapprocher un peu progressivement de son but. Typiquement, le premier épisode, si vous regardez notre résumé qu'on vous met en lien en général, on a fait une espèce de petit résumé de l'histoire. On utilise un chapitrage qui est celui de Michel Zink, qui est celui de Nelly, des deux René, et qui est aussi celui de l'édition Brunel, en fait, pratiquement. Sauf que lui, il a un peu décalé les chapitres, mais c'est la même séparation. Le deuxième épisode, c'est celui de Estou de Verfeil. Estou de Verfeil, Estout de Verfeil, c'est en fait, Geoffrey trouve sur son chemin trois chevaliers qui sont soit morts, soit mourants, et qui sont apparemment victimes d'un certain Estou de Verfeil, et il se dit qu'il va le retrouver. Et il réussit à le trouver, à le vaincre. Bon, je vous passe les détails du combat, vous pouvez imaginer qu'il est un peu rébarbatif. Mais il réussit à le vaincre et réussit à prendre son houbert et son aume, qu'on nous décrit comme des armes un peu, peut-être pas surnaturelles, mais quand même très solides et qui le rendent presque invincible, en fait. Qui le protège de toutes les armes. Et il prend aussi son épée, qui est en fait indestructible. Il y a un côté très jeu vidéo, voilà, vous avez le premier sous-boss, et puis hop, vous avez un nouvel équipement maintenant, et vous pouvez continuer votre quête, parce qu'on lui avait donné un équipement qu'on l'avait adoubé, mais là maintenant il a un haubert et un home qui est plus solide, et qui va notamment expliquer certains passages où il se tire de situations un peu coton. Il l'envoie ensuite avec les 40 prisonniers qu'il avait, c'est un thème aussi qu'on retrouve, qui ressemble un peu à celui de Perceval, sauf que Perceval, il envoie généralement les gens qui vint, tandis que là... Oui, ils vont se constituer prisonniers à la cour d'Arthur. À la cour d'Arthur, tandis que là, ce qu'il trouve, c'est que chaque méchant qui bat a un stock de prisonniers dans sa maison, dans sa cave, on sait pas quoi, et il les fait libérer. Ils ont aussi un nain, un méchant nain acolyte, comme souvent, il y a une espèce de... on va pas dire de discrimination, mais disons, une hostilité contre les nains. Les nains, c'est des personnages qui sont profondément malfaisants et qui sont toujours ces espèces d'acolytes. Parce que leur caractère physique, dans la pensée de l'auteur, reflète leur caractère moral. Et donc, ils sont toujours des espèces d'êtres maléfiques, de petites mains des méchants. Et il les envoie, donc les 40 prisonniers, libérés à la cour d'Arthur. En général, bon là, en l'occurrence, Estou s'en sort bien, mais la plupart des méchants qui vont être vaincus par Geoffrey vont pas pouvoir simplement aller à la cour d'Arthur, parce qu'en général, il leur coupe les pieds. Oui. C'est assez fréquent, donc peut-être pour ça qu'il les envoie pas, en fait. Non, il les coupe les pieds, ou bien un truc qui revient aussi à plusieurs moments du roman, c'est que c'est des gens qui infligeaient une certaine punition aux gens. Donc c'est-à-dire qu'ils disaient je vais te battre en combat singulier et si tu perds je vais t'infliger ça, et au final une fois qu'ils ont perdu on leur inflige la punition qu'ils prévoyaient pour les perdants, en fait. Donc il y a une espèce de tu vis par l'épée, tu meurs par l'épée, tu une espèce de loi du talion un peu. L'épisode suivant va être relativement similaire. Geoffrey va avoir une lance blanche qui est posée contre un arbre, contre un frêne. Il va la prendre et laisser la sienne parce qu'il a trouvé cette espèce sorte d'équipement supérieur. Il a trouvé Sweet loot. Et en fait, quand il prend sa lance, il voit arriver un nain et le chevalier qui est le maître du nain. Et le chevalier le provoque en duel. Et s'il perd, il sera pendu comme les 33 autres chevaliers qu'il a vaincus avant lui qui ont essayé de prendre la lance et qui sont suspendus à l'arbre. Donc un côté très Excalibur de Borman, justement, avec ses arbres, ses chevaliers pendus. Et du coup, Geoffrey, lui, il gagne. Il bat le chevalier et c'est l'adversaire qui va être pendu à l'arbre, du coup. Et du coup, le nain va être pardonné pour ce coup-ci. Et c'est lui qui va aller prévenir Arthur parce que le chevalier est mort et les autres victimes peuvent pas être libérées. Mais il va les dépendre quand même pour leur offrir une sépulture décente. S'ensuit un troisième affrontement avec un type qui a pas grand-chose à voir, qui est un sergent apparemment. qui veut le faire prisonnier et lui voler son armure. Et donc, ce personnage, moi, il me fait vraiment penser à Perceval, en fait. C'est-à-dire que c'est un espèce de sergent qui est dans la forêt, il veut l'armure d'un chevalier, ce qui est la façon dont Perceval se bat contre le chevalier vermeil à la base, et lui dit « je veux votre armure », et il se bat avec des javelots. Il lance des javelots sur Geoffrey à plusieurs reprises, et puis justement, il y a un moment où Geoffrey pense qu'il a l'avantage, parce que « ah bah, il a plus de javelots à me lancer ». Donc, ce personnage me fait vraiment penser à une espèce de... on a repris le personnage de Perceval et on l'a mis dans un rôle d'antagoniste. Sauf que le combat contre lui est assez difficile, parce que quand il se bat, parce que d'abord Geoffrey lui dit « non mais je veux pas vous donner mon armure monsieur », puis il dit « non mais donnez-la moi, parce que sinon je vais vous taper dessus », et quand le combat se déclenche, il bondit très haut, plus haut qu'un chevreuil ou un cerf, il dit. Et ça me fait aussi penser à Perceval, parce qu'on avait l'idée de Perceval qui vivait dans la forêt et qui arrivait à battre à la course des chevreuils ou des cabris ou comme ça, ou à les chasser. Puis il y a plusieurs versions, pas toutes, hein, mais où on nous dit justement qu'il est extrêmement rapide. Et puis là, on nous dit « il saute plus haut qu'un chevreuil dans l'environnement un peu forestier comme ça ». Geoffrey croit qu'il va avoir le dessus justement parce qu'il a épuisé ses javelots. D'ailleurs, il les tire assez fort, il manque de l'étourdir. Mais il saute et hop, il tombe en croupe derrière Geoffrey sur son cheval. Il tombe derrière Geoffrey, il lui attrape les bras, puis il lui tient un couteau, puis il fait « bah maintenant, je vais vous tuer si vous allez. » Il le prend en otage. C'est vraiment le boss qui te bat dans la cinématique en fait. Ouais, il lui chope les bras, il le prend en otage avec son couteau et il lui dit « je vais t'emmener dans un endroit où tu seras prisonnier et torturé et tu peux rien faire. » Et puis Geoffrey, oh non, il sait pas quoi faire, il se met en chemin avec lui. Puis il commence à se dire « Geoffrey, bah, je préfère mourir plutôt que de subir les ignominies qui prévoient pour moi. » Il jette sa lance au loin, parce qu'apparemment il avait sa lance qui lui prenait le gant, le bras. Il la jette, il tord le bras du sergent, il arrive à lui enlever le couteau, il le jette par terre, et puis il lui saisit le bras gauche et il lui arrache le bras gauche du corps. Apparemment il lui tire le bras gauche hors du corps, il le jette à terre. Donc il reste par terre à implorer Geoffrey, bah, parce qu'il vient de se faire arracher un bras, il est un peu démotivé on va dire. Geoffrey lui rétorque qu'il n'aura jamais pitié d'un voleur, il lui tranche les deux pieds. Et il le laisse là. Il libère, il avait justement chez lui 25 captifs, donc 25 personnes prisonnières sous la garde d'un nain, parce que c'est comme ça que vous avez vos prisonniers maléfiques. Et c'est assez marrant parce que les 25 prisonniers sortent et ils se moquent du type qui a un bras en moins et puis les pieds tranchés par terre, puis ils disent « ah bah vous êtes bien là, on va vous laisser là, et puis personne va venir vous aider, hahaha ». Et puis ils le laissent tous là, et les 25 captifs vont chez Arthur. L'épisode suivant va influer à nouveau une minorité persécutée au Moyen-Âge, c'est les lépreux. Oui, donc il faut dire que c'est assez voisin, en fait, je pense qu'il faut le dire pour ceux qui ne connaissent pas forcément, les espèces de théories du complot sur les lépreux sont assez proches des théories antisémites sur les juifs, souvent elles sont mélangées les deux, genre les juifs jettent des lépreux dans les puits pour les empoisonner, ou les juifs sont lépreux, donc il y a une espèce de collusion entre les deux types de rumeurs, mais on les voit vraiment comme des empoisonneurs, ou bien, bah là en l'occurrence, des gens qui vont boire le sang d'enfants pour se guérir. Ou pour essayer de se guérir, ou se baigner dedans. Oui, et alors il va d'abord y avoir l'enlèvement d'une pucelle, après un meurtre, puis le rapt d'un enfant ensuite par justement un lépreux. Il va rencontrer la mère de l'enfant, en fait. Et le lépreux en question va essayer de soigner son frère, qui est aussi lépreux, et qui lui est géant. Son frère ou son maître, j'ai pas très bien compris. Je crois qu'ils sont ses frères parce qu'il y a toute cette famille de lépreux qui descend de la géante nécromancienne. Mais après, j'ai cru comprendre que vu que c'était un simple lépreux et pas un lépreux géant, qu'il n'était pas nécessairement son frère, mais qu'il est juste un serviteur. Alors c'est possible. Oui, c'est vrai que je crois que ça se doit. En tout cas, il le poursuit non seulement parce qu'il a kidnappé l'enfant, mais parce qu'il lui a fait la figue. Parce qu'il lui a fait la figue, c'est-à-dire donc. Si j'ai bien compris, il lui a fait un doigt d'honneur ou un. Il a fait un geste. C'est basiquement un doigt d'honneur. Et d'ailleurs, quand il le retrouve après, il lui tranche la main avec qui il a fait. C'est-à-dire, kidnapper des enfants pour se baigner dans leur sang passe encore. La rhétorique du passage est assez drôle parce que justement, il y a la dame qui court après le lépreux qui est là. Il a volé mon enfant. Puis Geoffrey demande pourquoi as-tu volé l'enfant. Il demande à la dame pourquoi est-ce qu'il a volé l'enfant. Puis il dit pour aucune raison. Puis là, ah, mais c'est très mal alors. Genre, est-ce qu'il y aurait eu une bonne raison de voler l'enfant? Écoute, il y a vraiment ce côté un peu. Chaque fois, il y a ce trope anglais du meurtre en vol et traversage de rue sans passer par un passage piéton. Oui. C'est vraiment toujours les raisons les plus ridicules qui semblent motiver le plus Geoffrey en général. Justement, il dit « Dis-moi, femme, pourquoi te l'a-t-il enlevé ? Pour rien, Seigneur, pour le plaisir. Il n'y a pas d'autre raison. Non, Seigneur, par la foi que je dois à Dieu. » Bon, bah alors, effectivement, c'est pas très bien. Geoffrey arrive dans la bâtisse où il y a une espèce de... où il voit que justement le lépreux, qui est le maître du lépreux qu'il poursuit, est un géant. Ouais, et... Il va se battre contre lui. Alors le géant a une massue évidemment, mais il va quand même réussir à lui trancher la jambe, puis lui fendre la tête. Oui. Et en ce moment-là, en fait, il est projeté à terre et il s'évanouit. Et une jeune fille qui était prisonnière du géant va le ranimer. Et à ce moment-là, il va essayer de sortir de la masure, mais il ne va pas pouvoir. Parce qu'en fait, il y a un enchantement. Il va essayer de prendre de l'élan pour essayer de sauter de détruire la porte et de passer, mais il peut pas non plus. De ce que je comprends, en fait, la porte est ouverte, il arrive pas à passer. Ah oui, ce serait logique, effectivement, le seuil, en fait. C'est le seuil, il arrive pas à passer le seuil. Apparemment, le géant avait mis en place un enchantement qui touche pas tout le monde, en fait, qui touche que Geoffrey, ou apparemment celui qui parvient à le tuer, ou on sait pas trop quoi, n'arrive pas à sortir de la maison. Et ce que je trouve très marrant et très moderne, enfin pas moderne, mais disons très familier, c'est qu'immédiatement après, il se dit je vais prendre de l'élan, puis je vais essayer de sauter par-dessus le seuil. Donc c'est quand même très. Je sais pas, très cinématographique ou très... comment est-ce qu'on représente, comment l'enchantement fonctionne. Mais même toute la scène avec... il y a aussi une certaine cohérence. Hein, c'est la jeune fille qui l'a vue se faire enlever avant de rencontrer la mère de l'enfant. Il va la découvrir en premier avant de découvrir les enfants, en fait. Et du coup, il y a cette espèce de mécanisme qui va le forcer à continuer à explorer la masure. Oui, en fait. Parce qu'il n'a pas encore trouvé l'enfant, et l'autre lépreux qui avait volé l'enfant. Et en fait, il va décider, du coup, au lieu de sortir, de continuer à s'enfoncer dans la masure, il va tomber sur le lépreux qu'il avait vu kidnapper l'enfant, qui a déjà tué 8 enfants, donc c'est assez glauque, mais semble comprendre qu'il y a 8 gamins morts sur le sol, et il s'apprête justement à en tuer un autre, et il va menacer le lépreux, qui va lui dire non, attention, si tu me tues, tu n'arriveras jamais à sortir de ce bâtiment. Et il va du coup accepter de l'épargner pour qu'il révèle en fait exactement la façon de sortir du bâtiment, qui va se révéler être en fait la destruction d'une espèce de statue de tête de jeune garçon, ce qui est assez glauque, considérant que il a déjà buté 8 gamins et qu'il s'apprêtait à en buter 25 autres ou trentaine d'autres qui restent prisonniers là. Le fait de devoir casser une tête d'enfant pour en sortir, ça ajoute un peu à la malaise de cette maison là. Je sais pas si c'est exactement une statue, parce que dans la traduction de Zink, il dit juste que c'est une tête d'enfant. Donc est-ce que c'est juste une tête décapitée, ou bien est-ce qu'elle est artificielle? Je sais pas. La brise, donc ouais. Si j'ai bien compris. Ah, ou il la tranche en deux, donc peut-être que c'est Il la partage en deux, la tête elle bondit, siffle et crie, ce qui laisse penser qu'elle a quand même quelque chose de vivant, ou ça pourrait être une statue qui crie, mais. Oui, effectivement, là c'est peut-être encore plus glauque. Bon, déjà il a traité 8 gamins, peut-être qu'il en a utilisé un pour faire la. Ouais. Puis on apprendra plus tard que justement le lépreux géant est en fait le fils d'une nécromancienne, donc ce serait pas complètement absurde qu'il ait une espèce de cadavre enchanté. Mais ce qui montre aussi que l'enchantement s'applique qu'à Geoffrey, c'est que justement il va faire sortir tous les enfants, la fille et le lépreux, qui vont assister à la destruction de la maison au loin, dans une espèce de recoin naturel, genre ils vont se mettre sous une espèce de roche. Parce que effectivement, le fait d'attaquer la tête va déclencher une tempête, en fait. Il y a de la foudre, des tuiles qui lui tombent dessus, des briques qui lui tombent dessus, du vent, donc ça crée une espèce de cataclysme, la tête hurle, une espèce d'exorcisme assez affreux. Heureusement, peut-être à cause de son super auber et de son équipement, il arrive à survivre, même s'il reste sonné pendant un moment, et il peut envoyer tout ce petit monde à la cour d'Arthur pour témoigner d'à quel point il est gentil. L'épisode suivant va nous introduire à la dame du récit, l'équivalente de Blanchefleur ou de Sort d'Amour dans le récit, qui s'appelle... Alors, je vais peut-être faire un point. On insiste lourdement sur sa couleur de cheveux, puisqu'elle habite au château de Montbrun et qu'elle s'appelle Brunissen, Brunissian. Donc, faut bien comprendre qu'elle a des beaux cheveux bruns. Ce qui est pas si courant que ça quand vous non parce que la plupart des effectivement la plupart des dames dans ces récits ont des cheveux blonds comme l'or ont des cheveux blonds comme l'or, des sourcils blonds comme l'or, la peau blanche et rouge, et voilà, là on est face à une beauté, disons Arthur dans Camelot, il dirait vous aimez plutôt les latines quoi, plutôt que les celtes. Il y a cet épisode là dans Camelot. D'ailleurs, je crois pas que c'est explicitement dit qu'elle a les cheveux bruns, mais c'est vrai que tout le réseau de noms autour d'elle, de son château, on est quand même dans quelque chose d'assez souligné. Elle est brune parce que peut-être un peu plus méditerranéen. C'est les goûts. Peut-être que le poète, effectivement, se fie à l'esthétique des gens qui l'entourent. Il faut mentionner qu'on mentionnait ça dans les romances galloises, par exemple, que le pays de Galles est beaucoup plus au nord, mais que les héros gallois ont plus souvent les cheveux foncés, par exemple. Oui. Notamment Peredur, qui n'est pas blond, je crois. Les Irlandais ont la réputation, en général, d'être roux ou brun, mais pas tellement blond. Ouais. La présence, par exemple, de... Mais, donc, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus le standard de chrétien, par exemple, qui est un peu artificiel. Oui, donc qui a imposé la blondeur. la longueur. Mais à mon avis, ça m'étonnerait que de toute façon, l'auteur de Geoffrey ait eu un intermède celte, disons, qui lui aurait donné cette... Non, bien cette sûr. Courte. On peut plutôt penser que c'est le côté effectivement méditerranéen, les cheveux sombres. Hein, c'est logique de trouver plus de cheveux sombres autour de la Méditerranée. Après, effectivement, on sait que, par exemple, en Islande, il y a une proportion de cheveux sombres plus élevée qu'ailleurs, parce que pendant longtemps, les Islandais ont importé beaucoup d'esclaves celtes, ouais. Irlandais, qui ont importé des cheveux sombres. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme Björk, par exemple, qui ont les cheveux très sombres, alors qu'on se dirait que c'est tous des Islandais, des Vikings blonds. Des Vikings blonds. Donc, effectivement, non, c'est peut-être un motif accidentellement plus celte qu'on trouve chez Geoffrey là. En tout cas, Geoffrey arrive justement au château de Montbrun. Où il appelle Brunissen, qui est notre équivalent de, en l'occurrence, de Bellacan dans Parsifal ou de Blanchefleur dans Perceval, parce qu'elle a vraiment ce rôle un peu de suzeraine d'un château sans maître, en fait. Elle n'a pas de mari, pas de père vivant, pas de frères et sœurs. Elle est l'héritière de toute la région et elle possède ce château de Montbrun, justement. Donc jackpot pour un jeune chevalier amoureux qui chercherait à s'établir quelque part. Alors malheureusement, ça va mal se passer pour lui parce qu'il va arriver dans le verger du château où il va s'endormir. Et on nous dit auparavant que Brunissen a du mal à dormir, en fait, et que ce qui la calme quand elle a du mal à dormir, quand elle est trop triste, quand elle est trop éplorée, c'est d'entendre le gazouillement des oiseaux dans son verger. Et c'est ça qui va l'aider à dormir. Elle semble avoir une forme d'anxiété ou de dépression qui est décrite de façon assez naturaliste, encore une fois. C'est assez intéressant. La psychologie des personnages dans Geoffrey est assez... à ce côté beaucoup moins caricatural qu'elle peut avoir parfois chez Chrétien, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est plus subtil, disons, dans la description des émotions. Il y a de longues pages de description justement amoureuses dont vous a parlé un peu dans notre épisode sur Tristan et Iseult qui font un peu partie du genre. Puis je me demande si justement l'espèce de langueur dont tu parles, c'est pas une espèce de complémentarité de ce que l'amour va lui permettre de trouver comme accomplissement. Genre, elle était seule, elle avait pas de famille, puis l'amour, ça va être un peu le miroir de ça. C'est pas présenté explicitement du tout, mais j'ai l'impression qu'on a un peu justement une espèce de désarroi. Et elle va faire une blague d'ailleurs à la fin du roman sur le fait que Geoffrey l'avait empêchée de dormir et qu'elle s'en vengera un jour, de façon un peu humoristique comme ça, mais elle rappelle ça de façon un peu taquine. Mais après, il y a effectivement ce côté un peu, cette lassitude inexpliquée. Bon, alors, de manière générale, on va le voir, le château de Montbrun, comme toute la région, en fait, est sujet à des accès de lamentation. Et de tristesse parce que leur seigneur, leur suzerain légitime, on le sait pas encore, mais c'est important de le préciser, est dans une situation un peu compliquée. Ça leur cause des problèmes. Alors Brunissen, n'entendant plus les oiseaux, se dit qu'il y a un problème. Elle va envoyer son sénéchal réveiller Geoffrey qui est dans le jardin. Il voit qu'il y a quelqu'un dans le jardin qui a fait fuir les oiseaux et puis et du coup Geoffrey va être réveillé brutalement par le sénéchal qui va lui dire de se réveiller ou il le tue. Il dit « Levez-vous ou bien je vous tue ». Puis ensuite, Geoffrey se lève, ils se mettent à se battre l'un contre l'autre. Et puis finalement, Geoffrey réussit à le battre et il lui dit « Bon, tu promets de me laisser dormir maintenant ». Le sénéchal part, il revient chez Brunissen qui lui dit « Mais comment ça ? On va envoyer quelqu'un d'autre ». Puis on envoie à chaque fois, en fait, trois personnes de suite qui vont à chaque fois se battre contre Geoffrey. Et Geoffrey est énervé parce qu'à chaque fois, il a l'impression que c'est le même type qui revient. Parce qu'il leur promet de plus revenir et de le laisser dormir. Alors chaque fois, quelqu'un qui est différent va prendre le défi. Puis finalement, ils vont envoyer un peu toute la garde, quoi. Ils vont essayer d'envoyer un peu la moitié du château pour aller... Parce qu'ils ont compris qu'à force d'envoyer des types un par un pour le battre, ça marche pas très bien. C'est un peu l'évolution de la série Assassin's Creed. Au début, c'était là, ouais, peut-être que se battre un par un contre un type, ça marche pas. On doit essayer quelque chose de plus de travail d'équipe. Et ils parviennent à l'amener devant Brunissant. Il tombe instantanément amoureux d'elle et il lui laisse entendre d'ailleurs qu'il lui dit « Ah madame, vous pourriez me maintenir en votre pouvoir sans aucun équipement plus facilement qu'une centaine d'hommes tellement il est amoureux d'elle ». Elle aussi commence à tomber amoureuse de lui, mais elle veut pas se l'avouer, donc Brunissant est très... Elle dit « Ah non, je peux pas le montrer ». Et puis du coup, elle commence à être secrètement amoureuse, puis elle dit « Bon, on va vous garder prisonnier ici, puis on verra ce qu'on fait de vous ». Et ce qui est intéressant, c'est que Brunissant, à chaque fois qu'elle se dit qu'elle est peut-être un peu amoureuse de lui, elle va adopter une ligne de conduite plus rigoriste parce qu'elle va se craindre de passer pour faible, en fait. Oui. Face à ses vassaux, justement. Il y a aussi ça qui rentre en jeu. Ah oui, elle veut qu'on... Au départ, il dit « Faites-moi pitié, faites-moi grâce, madame ». Puis elle dit « Non, mais vous n'aurez pas d'autre grâce que moi que de vous faire mettre à mort ». Donc, au départ, elle veut tuer Geoffrey. Mais au final, elle va accepter quand même qu'il dorme jusqu'au matin dans la grande salle. Parce qu'ils veulent savoir au moins qui c'est, d'où il vient. Et ils se disent, bon, on verra ça demain matin. Et du coup, elle accepte qu'il dorme dans la salle, tout sur un lit, tout équipé. Et pendant ce temps, pendant que lui dort, elle va avoir une espèce de phase d'insomnie de nouveau, mais cette fois-ci plutôt causée par l'amour que par la dépression ou l'anxiété. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir ce monologue amoureux de ce raisonnement amoureux, en fait, de Bruni Zadig. Je trouve que c'est un des passages les plus intéressants du livre, en fait, pour moi. C'est un des plus originales, parce qu'effectivement, ça rappelle un peu la dialectique amoureuse qu'il y a dans Cligès, notamment, mm-hmm. mais aussi dans Tristan et Iseult. Mais là, on est vraiment dans un domaine un peu plus... j'ai pas envie de dire naturaliste, mais... Enfin, j'ai déjà dit naturaliste, donc peut-être qu'il faut que je me tienne à ça. Mais disons plus naturel, quand même, que dans certaines versions, c'est pas... Il y a un raisonnement assez logique, assez cohérent. C'est pas simplement des oui. Oh, je me meurs d'amour ou c'est non, vraiment. Bah, typiquement, elle commence à se dire je me meurs d'amour, puis elle dit c'est un peu stupide parce que si ça se trouve demain il va juste partir. Et puis peut-être qu'il a déjà quelqu'un. Peut-être qu'il a déjà quelqu'un. Il lui a rien dit d'autre qu'il était de la cour d'Arthur et qu'il était crevé, parce que j'aime beaucoup de Geoffrey qui veut juste dormir, qui est juste crevé, parce que on n'a pas assez souligné ça, mais tout au long de son aventure au début il se dit je vais pas manger, je vais pas dormir avant d'avoir retrouvé Tola. Puis progressivement, il devient de plus en plus faible et crevé et affamé, et il se rend compte que c'est pas possible, et il commence à manger et dormir un peu. Mais au départ, il avait fait cette espèce de vœu de « je vais rien consommer ou dormir avant d'avoir accompli ma quête ». Et du coup, quand il arrive dans le verger, il est vraiment éclaté. Et à chaque fois que les gens lui parlent, il a juste envie de dormir. C'est pour ça qu'ils acceptent de le garder jusqu'au lendemain matin. Et c'est marrant parce que ce dialogue aussi, elle se parle à elle-même. Alors parfois, elle dit « mais qu'est-ce que je pense ? Mais est-ce qu'il est beau et gentil ? Il a battu trois chevaliers que j'estimais plus que toutes. » Puis elle se parle à elle-même « mais chasse de toi cette pensée tu sais pas s'il est de bonne famille ?» Mais elle commence à y aussi cette dialectique justement sur le fait que il y a des gens qui sont riches mais qui ne valent rien de par leur argent ou qui sont rendus pires par leur argent, mais les preux deviennent meilleurs et meilleurs chaque jour parce qu'ils travaillent leur prouesse. Il y a une dialectique sur justement la valeur des gens qui dépend pas forcément justement de leur statut. Et au final, elle décide finalement que elle arrive plus à elle est folle, en fait, parce qu'il a à moitié avoué son amour, puis elle se dit elle-même que peut-être qu'il a dit ça juste pour pouvoir partir et pour qu'il la sauve, et elle décide finalement d'aller le surveiller lui-même, en fait. Et du coup, elle se lève, et au moment où elle sort de sa chambre, le guetteur de la tour lance un cri, et tous les gens de la ville se lèvent, et chacun commence à pleurer, à crier, à se lamenter. Tout le monde, hein, le texte nous dit vraiment « bourgeois et chevalier mènent douleur farouche et extraordinaire ». Mmh. Et les demoiselles, au milieu desquelles, du coup, Brunissane avec elles, se manifestent leur désespoir, s'arrachent les cheveux, se griffent, et Geoffrey se réveille, parce qu'il a entendu le bruit, et il s'assoit sur le lit sans sortir du lit, et il dit « mais qu'est-ce qui va ? Pourquoi vous pleurez autant ? Pourquoi vous criez autant ?» Et du coup, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Tout le monde devient complètement fou, prend qui est une massue, qui est une épée, qui est un couteau, toutes les armes qu'ils ont en main, et il commence à trucider le lit dans lequel il est. Et vraiment, hein, lui, il crie « arrêtez, par Dieu, ne me tuez pas, Seigneur ! Insensé, vilain, fils de traître, ainsi vous serez mort sans nul doute !» Et tous de l'assaillir, qui avec le couteau, qui avec la lance, qui avec l'épée, qui avec la masse d'armes, qui avec la cognée, qui avec le dard. Et, donc, et c'est vraiment on fait une comparaison avec les chaudronniers qui martèlent il y a une centaine de chevaliers, tous viennent au moins donner quelques coups sur le lit, et donc Geoffrey se tasse dans le lit et dit que grâce au drap et à son armure, parce qu'il dort en armure, c'est très Excalibur aussi, il dort en armure, il est épargné, et du coup il se fait un peu discret. J'aime beaucoup cette scène, j'aime beaucoup le guetteur qui fait un cri, puis tout le monde se maquille, ça fait un peu appel à la prière, mais pour, mais pour des lamentations. C'est ça, non mais du coup, ce qui est rigolo, c'est que vu qu'il se réfugie dans les draps, il qu'il bouge plus, les autres pensent qu'ils l'ont tué, et qu'ils se disent « bon bah voilà, on est tranquille maintenant, on peut aller dormir ». Et puis justement, donc, pendant que tout le monde s'endort finalement, il réussit à s'échapper, et justement Brunissant vient s'enquérir de ses nouvelles, et on lui dit « on l'a tué », puis là « quoi, mais vous l'avez tué, pourquoi ?» Puis du coup elle a un peu cette espèce de double jeu où elle était « ah non, il faut pas que je montre que je commence à tomber amoureuse de lui », puis elle va vérifier le lit, puis elle voit qu'il est vide. Puis alors, du coup, elle s'énerve parce qu'ils l'ont laissé s'échapper. Ouais, parce qu'au début, vraiment, il pensait qu'il l'avait tué. Mais il y a aussi le fait que après coup, il y a plusieurs répétitions pendant la nuit. Hein. Le guetteur fait plusieurs cris, mm-hmm. et chaque fois, on nous dit que de nouveau les lamentations. Et cette fois-ci, Geoffrey a un peu appris la leçon. Il reste tassé dans le lit au lieu de demander ce qui se passe. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'au même moment où elle a cette dialectique amoureuse du est-ce qu'elle est amoureuse de lui ou pas, lui, il se demande mais comment une dame si belle, si noble, si gentille peut avoir des serviteurs aussi méchants et déshonorables et peut être aussi cruel envers moi. Et c'est pour ça, en fait, c'est ça qui va le pousser à partir et à pousser à partir parce que il se dit, en fait, finalement que ça vaut pas la peine, parce que finalement, ça se trouve, elle l'aime pas vraiment, elle a beau être belle, mais elle l'aime probablement pas. Les deux sont très forts à se persuader que l'autre n'est pas amoureux de lui ou d'elle, en fait. C'est ce qui va le pousser à partir, en fait. Le texte nous dit, s'il savait l'amour que Brunissen lui porte, il ne franchirait pas les portes du château, mais vu qu'il le sait pas, il décide de se lever et de partir. Oui, il y a le sénéchal de Brunissen qui prête serment de ramener Geoffrey, ils savent rien d'autre de lui qu'il est chevalier de la cour d'Arthur, mais il fait le serment de le ramener dans un délai d'un an ou de revenir se constituer prisonnier. Il fait le serment sur les reliques comme d'habitude. L'épisode suivant, Geoffrey rencontre un bouvier. Enfin, il est en train de partir de Montbrun. Il est en train de partir de Montbrun, il rencontre un bouvier, donc il chérit ses bœufs, ses bœufs comme ça, et il partage un peu un repas avec lui, mais quand il lui demande la raison du fameux cri, genre il dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde crie, se lamente, etc., le bouvier devient aussi fou de rage, et il se met à lancer des javelots et des pierres sur Geoffrey. Geoffrey réussit à prendre ses distances à cheval, et du coup à se marrer un petit peu, parce qu'il a plus rien à lui lancer, mais le bouvier continue à péter les plombs, et il se met à buter 4 de ses bœufs à coups de hache. Donc un coup de cognée, il tue 4 de ses bœufs, et Geoffrey trouve ça marrant, mais se dit, waouh, il sait pas quoi en penser, il reste quand même un peu interloqué par la scène à laquelle il vient d'assister. Donc apparemment, c'est pas juste le château de Montbrun, les gens de la région, quand on mentionne ou qu'on pose la question de pourquoi ces lamentations, ils explosent, et Geoffrey ne sait pas encore pourquoi. Oui, c'est vraiment, les caractéristiques sont vraiment très bibliques presque, hein. Ils déchirent leurs vêtements, il y a vraiment cette rage primale, toute pleine de mauvaise colère, il prend vraiment un Hulk, quoi. Ouais. C'est vraiment ce côté complètement déchaîné qui est mis en avant là-dedans. Et vraiment, le truc, c'est le plus rigolo, c'est qu'il sait même pas qu'il crie de façon incohérente. Ils insultent spécifiquement Geoffrey quand ils sont en rage. Ils disent « Ah, tu vas pas t'en sortir vivant !» Mais vraiment, hein, c'est pas... T'as l'impression au début qu'ils sont en train de baver, d'avoir la mousse aux lèvres, mais en fait, non, c'est vraiment l'écume aux lèvres, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment une rage froide presque par moment. Mais ça prend le contrôle d'eux, puis ça continue, d'ailleurs, ça continue avec le prochain épisode de Ogier Dessart. Oui. Mais ça continue jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui arrive à sortir de cette espèce de transe pendant suffisamment longtemps pour lui dire où est-ce qu'il pourra trouver des réponses. Oui, c'est évidemment, de nouveau, il rencontre une compagnie après avoir quitté le bouvier qui, de nouveau, crie, se lamente, il demande de nouveau la raison, il a pas appris sa leçon, ils deviennent furieux. Il essaie de s'enfuir et de se battre contre eux, mais en fait, ils insistent pour l'héberger. Oui, Il prend ses distances à chaque fois, puis ils font « Ah non, mais pardonnez-nous, Seigneur, on voulait pas vous faire peur, venez manger chez nous. » Puis il dit « Non, mais j'ai peur de vous, je sais que je peux pas vous faire confiance. » Puis « Non, mais venez chez vous. » Puis à chaque fois qu'il repose la question, et les gens redeviennent furieux. Et en fait, ce chevalier-là qu'il héberge, ce Ogier Dessart, justement, va finalement lui révéler ce qu'il se passe quand Geoffrey révèle qu'il est à la poursuite de Tola, le chevalier donc, qui poursuit depuis le début. Et en fait, Ogier va lui apprendre que c'est l'un des plus terribles chevaliers possibles, et que, par contre, il sait où le trouver. Il va lui donner un chemin qui va lui mener vers une montagne au pied duquel il trouvera un château avec des pavillons et des tentes remplies de chevaliers. Il devra passer au milieu de ces tentes sans adresser la parole à qui que ce soit, et trouver dans la première salle du château un chevalier blessé couché dans un lit et une dame jeune et belle qui le pleure, ainsi qu'une dame plus âgée. Et quand il dira à celle-ci qui vient de la part d'Ogier Dessart, elle dira la vérité sur la clameur. Et quand elle vous l'aura dit, vous saurez où trouver Tola. Donc en gros, il apprend exactement il va lui donner la marche à suivre, en fait, si on veut. Et c'est intéressant, le chevalier Ogier, ça me fait penser à ses intermèdes où, justement, parce qu'il a une jeune fille qui sert, on lui raconte le conte, le lait des deux amants de Marie de France. Oui, il mentionne le lait des amants, je pense, c'est celui de Marie de France. Ouais, à mon avis, c'est celui-ci. Mais il a une jeune fille qui est jeune et belle, qui est un peu amoureuse. C'est un peu comme ces jeunes filles qui interagissent avec Gauvin. Oui. C'est un motif extrêmement récurrent, c'est les chevaliers chez qui Perceval se rend. Le vavasseur. Il a deux fils. Voilà, c'est un vavasseur assez. Un vavasseur qui a un nombre non nul de fils et de filles, de large sons. Voilà, exactement. Mais donc ça c'est assez nous on est dans un motif assez classique, le bon vavasseur qui, alors malgré sa fureur originale, arrive à le, mais qui insiste pour l'héberger, qui veut vraiment l'héberger. Ouais, c'est ça. Et ça va mener justement effectivement Geoffrey à la suite de sa quête, puisqu'il va suivre les instructions d'Ogier et arriver sur les lieux de ce château avec ses entouré de tentes, en fait. Oui, je dois dire d'abord, j'aime beaucoup la scène où justement Ogier revient un peu à ses esprits, donc c'est exactement pareil qu'avant, il dit pardieu, vous ne nous en tirez pas vivant, et il le poursuit en s'arrachant les cheveux, et puis il y a sa rage qui commence à il commence à avoir une espèce d'éclair de lucidité. Il dit non, revenez vers moi, cessez d'avoir peur. Geoffrey se dit non, mais vous n'allez pas m'avoir une fois de plus. Et il dit non, non, je vais vous dire les renseignements. Et puis il arrive finalement à. Je trouve que c'est pas mal comme terme d'escalade dramatique où on a eu justement cette scène. Ça paraît un peu stupide que Geoffrey continue de poser la question, mais en fait c'est logique qu'il le demande à des gens qu'il rencontre de façon nouvelle parce qu'il connaît pas du tout l'étendue de cette affliction. Mais justement, c'est... je trouve ça assez intéressant comment on découvre ça. Et puis qu'il a la suite de sa quête où justement il va pouvoir aller retrouver. Ce chapitre 9 sur le chevalier torturé. Il arrive sur les lieux et on lui dit aussi d'ailleurs qu'il ne doit pas adresser la parole aux gens sur place. Il y a des tentes, il y a un château qui est au pied d'une montagne et il ne doit, doit pas adresser la parole aux gens qui sont dans les tentes et les pavillons et les baraques qui sont autour. Et donc il y va, il ne leur parle pas, donc c'est un côté très justement un tabou supplémentaire en fait où il ne doit pas justement se faire remarquer. Il entre dans le château, il trouve la salle où il y a le chevalier qui est blessé avec une jeune fille qui pleure à son chevet. Il trouve la vieille dame qui va lui expliquer justement que Tola vient régulièrement rouvrir les blessures de ce chevalier qui n'est autre que Mélian de Montmélior, qui est le seigneur du pays que tout le monde aime et aime tellement, mais qui lui inflige que tous les X temps, il vient le fouetter et le faire une espèce de chemin de pénitence sur une montagne où il lui rouvre les plaies du dos. Ce qui cause une immense douleur à tous ces gens à chaque fois que ça se produit, puis apparemment c'est assez fréquemment. Et Geoffrey doit quitter les lieux pour ne pas être attrapé, mais il apprend que dans 8 jours, d'ici 8 jours, Tola va revenir pour rouvrir les plaies du chevalier et que donc il pourra le coincer à ce moment-là. Tous les ans, et le texte nous dit à la Saint-Jean, première de l'an. Oui. Ce qui est intéressant parce que je savais pas que la Saint-Jean. C'est la Saint-Jean d'été. C'est la Saint-Jean d'été, mais est-ce que. Donc effectivement, mais je connais pas beaucoup de calendriers où on compte les années à partir de la Saint-Jean en fait. C'est ça qui est ce qui m'intéresse là-dedans, en fait. Ah, mais tu penses pas que c'est plutôt la différence entre la Saint-Jean d'été et la Saint-Jean d'hiver, et qui dit première de l'an pour dire c'est une des deux dans l'année? Ah, la première Saint-Jean de l'année, tu veux dire? Je pense que c'est ça l'idée. Ah, ça se quest premier Saint-Johan, le premier Saint-Jean et le Baptiste, alors que l'évangile. Ah oui, parce que la Saint-Jean, l'évangile, c'est le 27 décembre, ouais, effectivement. Ouais. Ah oui, c'est ça que j'ai pas compris, en fait, la phrase originale. Non, oui, le premier, c'est du oui, coup la Saint-Jean d'été. Le datage en l'an 1150 du martyr de Jean le Baptiste, ce serait un peu curieux, quand même, effectivement, comme datation. Non, mais du coup, ouais, effectivement, il revient à la Saint-Jean ouvrir les plaies. Parce qu'en fait, Tola est un peu l'arc-némésis de Mélian de Mélior. Il a tué son père, il a tué. Je suis presque un peu surpris que, vu que le récit va avoir tendance à insérer le père de Geoffrey dans les histoires. Typiquement, c'est parce que. Qu'on n'apprend pas qu'il a tué son père. Non, mais parce que Arthur, effectivement, dit Ah, Dozon était un bon chevalier. Et la raison pour laquelle Ogier accepte finalement d'être si gentil avec. Geoffrey, après avoir vaincu ses premières pulsions contre lui, c'est que Geoffrey va lui dire qu'il est le fils de Dozon, et là de nouveau, mais Ogier va lui dire ah mais c'était un de mes compagnons, c'était mon bon compagnon, et c'est pour ça qu'il a aussi de l'affection pour lui. Et je me suis presque étonné en fait en disant que on révélait pas non plus que Tola ou que le père de Mélian était aussi un compagnon du père de Geoffrey, et qu'ils étaient en fait tous potes ensemble, et que c'est Tola qui avait aussi tué le père de. Ça aurait été intéressant narrativement, j'aurais trouvé. Ça aurait été une bonne manière de conclure le récit si on apprenait justement que Dozon avait été tué par Tola. Mais c'est peut-être un peu trop. Justement, c'est une dramatique beaucoup plus moderne en fait que ce qu'on trouve dans ce genre de récit, quoi. Ouais, c'est pas grave. Parce que, bah, honnêtement, le fait de. On trouve des vendettas de ce genre, mais dans des textes peut-être un peu plus tardifs. Pas encore qu'on est vraiment dans cette espèce d'émulation de chrétiens. Je trouve que c'est assez intéressant parce que je trouve un passage qui est assez marrant, c'est que la vieille dame dit « Je n'espère qu'aucun ne puisse le délivrer, sinon Gauvin. » Genre son exemple de chevalier qui serait suffisamment preux pour délivrer Mélian, ce serait Gauvin. Et donc on a un peu cette mode qu'on trouve dans les romances françaises aussi, où Gauvin c'est vraiment le parangon de la chevalerie, et généralement le héros du roman que vous êtes en train de lire, c'est un type qui se montre au fil de l'aventure être l'égal de Gauvin. Ce qui est un peu ce qu'on trouvait déjà chez Chrétien, où il partageait la vedette, c'est-à-dire qu'il était toujours là, mais il fait un peu partie des meubles de la cour, c'est pas forcément le héros, mais il partage souvent la vedette. Et une formulation que j'ai trouvée assez marrante, intéressante, c'est quand il arrive dans le château, on nous dit il n'a trouvé personne, ni homme, ni femme, ni créature, ni aucune créature, sinon en peinture. Donc cette espèce d'image d'un château vide, à part des représentations peut-être murales, ou des tapisseries, ou des peintures, je trouvais ça assez intéressant comme formulation. C'est sur ces entrefaites que Geoffrey va décider d'attendre justement le retour de Tolat, et ça marque exactement en fait la moitié du roman. On est à la, en termes de longueur en tout cas de vers, on est à peu près à 5000 vers, à la moitié, des chapitres aussi selon l'édition de Brunel. Donc on va faire une petite pause ici avant de vous retrouver pour la suite et découvrir ce qui va devenir de Geoffrey face à Tolat. Et on vous retrouve tout de suite après cette petite page musicale et publicitaire. Connaissez-vous ludographie comparée ? À chaque numéro, Mathieu Gou, c'est moi, dissèque un élément d'un jeu vidéo, un signe vidéoludique, et vous donne les raisons de l'existence de ce signe. La cigarette dans Metal Gear Solid, le score dans le premier Megaman, le choix dans The Stanley Parable, la difficulté à rebours dans Braid. Autant de raisons d'écouter ludographie comparée sur Radio Kawa. Voilà, alors avant de cette petite page de pub, on a entendu le Gopak final de la foire de Sorochinski, composé par Modest Moussorgsky. Alors, on est à peu près, on vous l'a dit, à la moitié du roman, mais en fait, finalement, ça va aller assez vite. Hein. À partir de là, ironiquement, le récit avance pas mal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en un temps assez court. En termes de durée, les aventures vont être plus brèves, tout en occupant plus de place. C'est le moment que Zink abrège le plus, en fait. Oui. Il y a des chapitres entiers qui sont vraiment des redites ou des motifs assez récurrents. Et ça va commencer d'ailleurs par la clarification, la résolution d'un récit qu'on avait vu un peu plus tôt. Le récit des lépreux va trouver une certaine façon une conclusion, une explication. Puisque en cherchant un endroit où rester pendant la semaine qui le sépare, grosso modo, de l'arrivée de Tolad, Geoffrey va tomber sur un bois et il va décider de trouver un gîte, disons, et de la nourriture dans cet endroit-là pour attendre Tolad, justement. Il y a une espèce de raisonnement où il voit un sentier, il se dit, s'il y a un sentier, il doit y avoir des gens dans le bois, et s'il y en a, ils doivent avoir à manger. Et donc, c'est un peu risqué comme raisonnement, mais il réfléchit comme ça. Et il tombe sur une vieille femme qui est couchée sous un pin, accoudée, et en fait, on nous décrit, on a une longue description vraiment de cette dame qui est vraiment une dame laide. Hein. On est dans ce motif de la dame laide comme peut l'être la sorcière du Graal dans Perceval et dans Parsifal, évidemment, avec Kundry, mais aussi dans Perles Vos. Enfin, c'est ces modèles de la loathly ladies qu'on retrouvera plus tard dans la littérature anglaise. Donc elle a des extrêmement longues dents, presque animales, une peau généralement noire ou noirâtre, des poils, des moustaches. Une dimension très, les jambes longues, desséchées, elle a que la peau sur les os, elle a les genoux gros, elle a les pieds enflés avec des très longs ongles de pied. Mais ce qui est intéressant, c'est que au moment de cette description justement absolument horrible, oui, de ces littéralement ces ongles de pied qui lui permettent pas de mettre des chaussures, on nous dit mais elle était vêtue d'une ample mousse d'écarlate brodée de zibeline, et on continue avec justement une description de ses vêtements extrêmement riches. En fait, elle a des vêtements très riches et très fins, par contre. Entièrement rouge, hein, d'ailleurs, voilà. Ce qui n'est pas, pas si courant que ça. Donc un manteau rouge, une tunique rouge, avec une chemise d'une précieuse toile blanche et fine quand même. Et du coup, alors Geoffrey doit se dire, bon, elle est très laide, mais elle est bien habillée, donc ça doit être quelqu'un qu'il faut saluer. Et il la salue, et elle lui intime de retourner d'où il vient. Ce à quoi il dit, bah, évidemment, je n'en ferai rien, il ne va pas se laisser faire. Mais elle lui dit qu'il s'en repentira et qu'il va regretter d'être passé par là. Et alors, elle va pas être très claire. Il lui demande des informations sur qui est plus loin dans ce sentier, mais lui, elle lui dit rien de très clair. Elle lui dit juste que il s'en repentira vraiment s'il continue sur ce chemin-là. Et il décide finalement de ne pas tenir compte de ses menaces et de continuer où il arrive vers une petite chapelle où un ermite sert l'autel de la Trinité. Et là, d'un coup, un chevalier qui est armé, noir comme le charbon, on nous dit, hein, il est vraiment le chevalier noir par excellence, monté sur un cheval noir, portant lance et bouclier noir, fond sur lui avec un grand élan et le fit tomber de cheval. Alors il dirige, il décide de tirer son épée et de se préparer à se défendre, mais d'un coup, il ne voit plus le chevalier arriver. Le chevalier a disparu. Et au moment où il s'en étonne, il regarde de tous côtés, il se demande mais où il est parti. Et le chevalier réapparaît dès que Geoffrey est remonté à cheval, en fait. Mm-hmm. Et de nouveau, il l'attaque. Alors cette fois-ci, il est prêt, il se défend, il se porte des coups mutuellement, ils se font tomber mutuellement au sol. Et finalement, au moment où il s'apprête à apporter un coup après s'être relevé, il s'aperçoit que le chevalier a de nouveau disparu. Et de nouveau, il remonte à cheval, et de nouveau, le chevalier revient. Et chaque fois, de nouveau, il le désarçonne. Mais cette fois-ci, au moment où il le désarçonne, Geoffrey, en fait, a réussi à faire planter sa lance à travers le corps du chevalier. Il la voit transpercer le chevalier. Mais au moment où il se dit « Bon, maintenant, ça doit être bon », il se précipite. Mais de nouveau, le chevalier est introuvable et a disparu. Il faut dire qu'il précise après que la nuit est noire et obscure, donc c'est à moitié surnaturel, puis à moitié aussi, c'est un chevalier noir dans la nuit. Donc même quand il le voit, il laisse entendre qu'il le voit pas si bien que ça. Mais c'est pas encore la nuit complète, parce que le récit nous dit qu'il continue ce manège-là de le désarçonner, de le battre, de réapparaître à cheval, jusqu'au coucher de soleil, jusqu'à la nuit. Effectivement. Mais et en fait, dès que Geoffrey est à pied, il voit plus grand-chose. L'autre attaque, démonte, disparaît de nouveau. Et en fait, finalement, Geoffrey décide de continuer à pied, en fait. Au lieu de continuer d'essayer de se remettre à cheval et de se faire désarçonner, il décide de continuer à pied. Il arrive jusqu'à la chapelle. Et là, de nouveau, l'autre, à pied de nouveau, en tenant la bride de son cheval, lui fonce dessus encore. Et en fait, finalement... Geoffrey arrive à... Il arrive finalement à le... À le frapper. À le frapper d'un coup terrible. Mais au bout d'un moment... ils n'arrivent plus vraiment à gagner l'avantage l'un sur l'autre. Ils se battent dans une espèce de lutte perpétuelle. Je veux quand même lire un extrait où il dit « Geoffrey le frappe si furieusement en haut du bras qu'il lui emporte toute l'épaule et la moitié de l'écu, mais il en est bien avancé car l'autre est toujours frais et en pleine santé. On dirait que ce n'est rien et que Geoffrey ne l'a même pas touché. » Donc il y a un côté très Monty Python où il lui tranche le bras puis il va bien. En fait, il va bien, non. Ce qui est sous-entendu, c'est qu'il se reforme immédiatement. Parce que immédiatement après, Geoffrey le fend et le partage en deux, mais il se reforme de lui-même aussitôt. Donc il est face à un chevalier qui est clairement pas naturel. Et effectivement, on va révéler la vérité sur ce chevalier noir. Quand après qu'il soit arrivé près de l'église, l'ermite qui est dedans, qui a passé toute la nuit à écouter le combat, ne pouvant dormir à cause du bruit justement des armes qui s'entrechoquent, il ne peut plus supporter. Au bout d'un moment, il ne peut plus supporter. Il prend ses armes. Alors pour lui, on nous dit ses armes qui lui permettent de défendre sa maisonnée du diable, c'est-à-dire l'étole, l'eau bénite, la croix et le corps de Jésus-Christ, donc l'hostie. Et il s'avance vers ceux qui se battent, donc Geoffrey et le chevalier noir, et en fait il leur jette dessus de l'eau bénite, il chante les psaumes, et dès qu'il arrive, le chevalier noir rompt le combat, et il se met à fuir en hurlant aussi vite qu'il peut, et en même temps il y a un orage de pluie, de vent et de tonnerre qui se lève. Du coup l'ermite achève les oraisons et prend Geoffrey avec lui, l'emmener dans la chapelle avec le cheval et le laisse se reposer là. Et en fait, il le désarme là, alors que la foudre et la tempête continuent toute la nuit. Et jusqu'au petit matin, en fait, et au final, l'ermite arrive pour dire la messe, demande à Geoffrey de se déséquiper, et il lui demande ce qu'il est venu faire par ici. Et Geoffrey lui explique qu'il est à la recherche de toilettes. Mais l'ermite lui dit t'es pas tellement au bon endroit parce que dans ce bois personne ne peut ou n'a jamais pu passer depuis 30 ans. Et il lui raconte en fait la vérité sur le chevalier qu'il a attaqué. Il lui explique que c'est pas un chevalier, en fait c'est un démon, c'est le plus grand démon qui est lié aux enfers ou qui y réside, Par sa nécromancie, il a fait venir ici la mère d'un géant, une grande vieille farouche, maigre, sèche et toute ridée. Je ne sais si vous l'avez rencontrée. Et en fait, c'est la dame, l'aide qu'il a rencontrée au début, au moment où il est entré dans la forêt. Et on va apprendre justement que la dame n'est pas forcément une géante elle-même, mais qu'elle a eu un mari qui était un méchant rustre de géant, qui a ravagé tout le pays dans le coin. Et un jour, le géant est parti, on ne sait pas trop où, il est revenu blessé et il est mort au bout de 3 jours. Et du coup, maintenant que la vieille a eu peur, elle s'est servie de sa nécromancie pour protéger ses enfants, qui étaient aussi des géants. Notamment le lépreux géant que Geoffrey a tué, qui était en fait le fils de cette nécromancienne, et c'est elle en fait qui a apparemment fait l'enchantement qui a empêché Geoffrey de quitter la maisonnée, et aussi un autre de ses enfants qui est un autre géant que Geoffrey va devoir affronter. Geoffrey lui raconte effectivement comment il a battu le lépreux géant, il lui a raconté toute l'histoire, il lui a raconté toute l'aventure, et finalement il va décider d'arrêter avec l'ermite pendant 8 jours. Et il y attend justement le dernier jour, l'arrivée de Tolat. Et quand il prend congé de son hôte, il décide de lui demander quand même, mais si l'espèce de démon qui m'a assailli là revient, qu'est-ce qui va se passer ? L'ermite lui confirme que c'est en fait en lui jetant de l'eau bénite dessus, il a réussi à... Alors c'est un peu à se demander pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, parce que l'ermite semblait avoir quand même le pouvoir de battre ce démon. On ne sait pas très bien pourquoi exactement c'est ça qu'il a fait. Peut-être le fait que ce soit Geoffrey qui soit battu contre lui auparavant. Toujours est-il que, en retournant vers le lieu où il va battre Tolat, Geoffrey va tomber sur un géant, le géant frère du géant lépreux et l'autre fils de la dame Led, qui porte une jeune fille sous son bras, et il va en fait la poursuivre. Il va poursuivre le géant pour essayer de délivrer la jeune fille. Et alors il va réussir finalement à... Alors évidemment, on a nouveau un combat contre le géant assez long, comme dans le... Oui, il est assez théâtral. Le géant se bat avec un arbre, en fait. Il arrache un arbre pour se battre avec. Littéralement, pour taper dessus. Donc, on a une espèce de gradation par rapport à la massue de son frère. La fille qu'il a kidnappée, on apprendra d'ailleurs que c'est la fille de celui qu'il avait accueilli au Gédessar, si je dis pas. Si je oui, c'est la demoiselle qu'il a déjà rencontrée. C'est la demoiselle qu'il a déjà rencontrée. C'est très rigolo parce que au moment où il laisse échapper la jeune fille, elle tombe littéralement les bras en croix sur le sol. Et elle s'étend face contre terre, puis elle se met à prier justement Dieu de sauver Geoffrey au moment où il la laisse tomber pour attraper l'arbre, en fait. Oui, puis il y a un moment où justement Geoffrey est assommé par l'arbre et puis il bouge plus. Et puis justement, elle implore Dieu, Seigneur, vous qui êtes mort pour nous sauver, vous êtes laissé cloué sur la croix, vous qui avez sauvé Daniel du lion, le fils d'Israël de la main du roi Pharaon, Jonas du ventre du poisson, Noé du péril de la mer, Suzanne de la lapidation, protégez ce chevalier et accordez-moi ce que je vous demande. On est un peu passé dessus, mais il y a beaucoup d'implorations généralement au début du combat où Geoffrey ou quelqu'un qui est dans les. Ou une jeune dame qui est dans les parages qui va faire une espèce de. Qui va invoquer Dieu pour le soutenir dans le combat. Et de nouveau, Geoffrey vainque le géant et lui tranche les pieds, évidemment, après l'avoir battu. Il va se faire raconter par la jeune fille, en fait, l'histoire de comment le géant l'a kidnappé depuis un verger où elle était allée se reposer avec sa mère. Et c'est là, en fait, qu'il lui révèle qui c'est qui elle est, parce qu'elle, elle l'a pas reconnue, en fait. Elle dit « Je ne me souviens pas de vous avoir jamais vu. » Et puis lui, il dit « Mais il y a très peu de temps, l'autre jour, vous-même, Ogé, votre père et vos deux frères m'avaient serré chez vous au gré de mes désirs. » C'est un peu un peu frustré d'avoir été oublié, peut-être. Toujours est-il qu'elle lui fait une petite parole, justement. Il y a une petite parabole sur, de la part de Geoffrey, en fait, sur pourquoi c'est toujours bon d'être serviable envers un étranger quand on le voit arriver, de bien l'accueillir. C'est un peu curieux cette passage-là, parce que ça implique que s'il ne l'avait pas bien accueilli, il aurait vu la demoiselle dans les bras du géant, puis il se serait dit « Nah, mais ils n'ont pas été très gentils avec moi, je ne vais pas aller la sauver. » Toujours est-il que il va continuer son chemin avec la jeune fille pour la rendre à son père, justement. Oui, ça nous amène justement à la conclusion de la quête contre Tola de Rougemont, parce que les 8 jours sont écoulés, et je vous lis justement le passage de Zinc. Il s'en va en hâte vers le château où on l'attend, là où gît le chevalier blessé, qui aurait grand besoin de secours car Tola était arrivé avec des hommes d'armes qui ont lié les mains étroitement derrière le dos. Ils sont 4 gaillards qui portent 4 grandes lanières de cuir de cerf avec des nœuds nombreux, dont ils le fouettent en lui faisant gravir la montagne, selon leur habitude. Oui, il y a un côté très sisyphe comme ça. Cela fait 7 ans qu'ils le traitent ainsi, donc apparemment 7 ans régulièrement. Ils l'ont tiré hors du château, tout nu, puis l'ont mené au pied de la montagne. Chacun a retroussé ses manches et ils s'apprêtent à le frapper quand ils ont vu arriver Geoffrey au galop ayant devant lui la jeune fille. C'est vraiment, il arrive vraiment au moment où ils allaient commencer à le fouetter. Tola est défié par Geoffrey, mais Tola est orgueilleux, en fait. On voit que c'est un méchant parce qu'il dédaigne de s'armer et il prend que sa lance et son écu, ce qui sous-entend qu'il n'a pas d'armure. Désarçonné, blessé et vaincu, Il est envoyé à la cour d'Arthur. Ce que je trouve très drôle, c'est que Tola, c'est vraiment le méchant caricatural, hein, oui, par excellence. Justement, Zink abrège beaucoup ce passage, mais alors vraiment, il est vraiment méprisant au possible. Il l'appelle un vilain, ce qui est c'est quand même une grosse insulte pour un chevalier de l'appeler un paysan. Littéralement, assez vilain, je t'ai trop écouté. Descends de cheval et va te désarmer, sinon tu vas mourir quant à ma pucelle, quant à ta pucelle, donc la jeune fille, la fille d'Augier, qu'elle soit livrée à mes écuyers. Donc c'est vraiment le méchant caricatural, menace de viol et. Le méchant de James Bond. Très sadique et qui fait. Il y a beaucoup de sadiques tortionnaires dans cet épisode arthurien, alors que d'habitude les méchants sont pas toujours aussi évidemment maléfiques. Ouais, là il fait vraiment une longue. C'est surtout qu'il fait une longue tirade pour expliquer comment il est méchant en fait. Oui. C'est vraiment. Ça prend bien une centaine de vers de dire à quel point il est vraiment méchant et qu'il en a assez d'écouter ce jeune garçon se moquer de lui, qu'il va le battre sans autre. Sans autre forme de procès. Il est extrêmement vite blessé et en fait, il doit admettre sa défaite, envoyé à la cour d'Arthur. Là, il est accompagné de ses prisonniers délivrés. Donc, comme l'a fait, à ce moment-là, Geoffrey a dû délivrer à peu près quelques centaines de personnes. Il arrive à Carduel et là, il y a une espèce d'augure pour un autre épisode qu'on verra après. C'est qu'il y a une jeune fille qui vient demander de l'aide à la cour. Mais en fait, apparemment, Gauvin, Yvain et Geoffrey sont absents. Puis comme c'est les meilleurs, personne ne peut se proposer pour l'aider. Ça va être résolu plus tard. Tola reconnaît ses crimes et il demande à être gracié. Le roi et la reine sont plutôt d'accord. Le roi et la reine sont plutôt ok. On pourrait, mais sa victime, Mélian de Montmélior, refuse car seule la vengeance efface du cœur d'un homme digne de ce nom l'humiliation physique. Donc c'est un roman qui est très sadique et puis qui est très loi du talion en fait. Ah oui, extrêmement, à un degré particulièrement fort. C'est vraiment la punition doit être exactement celle, ou pouvoir pire, hein, que celle qu'il a infligée. Il n'y a pas du tout de notion de pardon. C'est pas comme dans Perceval où les chevaliers qui ont pu commettre des erreurs viennent à la cour d'Arthur sont faits chevaliers ou sont admis comme compagnons de la table ronde. Où ils se repentent et puis tu dois épargner ton adversaire quand il a admis sa défaite et puis tu dois pas le. Oui, on est vraiment dans une dimension beaucoup plus western, Mad Max. Que dans les versions plus chevaleresques, plus courtoises du nord de la France. Hein, là. C'est très Geoffrey applique la charia. Il y a beaucoup de. Non, mais à part ça, les séquelles physiques, ça fait très. Et donc, il y a quand même. Bon, ouais, je sais pas, on est dans l'ère hispanophone. Hein, il y a peut-être. Je sais pas s'il y a un parallèle culturel à faire avec la forte présence arabe. Réécriture musulmane de Geoffrey, ce serait une piste à creuser. Mais il faut dire, il n'est pas condamné immédiatement. Il y a quand même un procès. Il y a une cour de 100 juges qui. Je sais plus comment ils sont sélectionnés, mais qui le condamnent à subir. Non, c'est juste 100 barons qui connaissent bien la loi. Ouais, qui le condamnent à subir le supplice qu'il a infligé. Il va quand même y avoir une légère. On reviendra après. Mais après, Geoffrey va avoir une très légère indulgence pour ce personnage, mais qui est en fait un délai qu'il va lui accorder. Mais pas bon, par d'autre. Contre, ils vont le dire. Hein, c'est vraiment ils vont lui laisser exposer son cas. À Tola, le procès vraiment, c'est sous les formes. J'étais méchant. Il demande à Tola d'exposer ses raisons doucement et tranquillement, et le jugement rendu, le chevalier fera mener Tola lui-même là où il a été retenu captif, et une fois par mois, donc c'est une fois par mois là, il lui fera gravir la colline sous les coups, comme l'autre la lui faisait gravir naguère, ainsi de lui, il disposera ainsi de lui pendant 7 ans. Donc de nouveau, hein, les 7 ans où il a été victime seront les 7 ans. Alors c'est un peu plus intense, hein, parce mais que c'est pas. C'est un peu ambigu, parce qu'en fait, on nous dit aussi que les gens crient quand les blessures sont ouvertes, donc c'est pas une fois par an, c'est pas complètement. J'étais pas complètement clair combien de fois par an, justement, il faisait le supplice, parce qu'il y avait aussi. Ça semblait être plutôt une fois par mois, justement. Maintenant, c'est une fois par mois, mais je crois que c'était plus fréquemment qu'une fois par an pour Mélian aussi. C'était pas très très clair, effectivement. Ou alors on n'est pas très attentif, peut-être. Geoffrey va ramener la fille d'Augier à son père, donc ça c'est un passage un petit peu qui se veut aussi un petit peu peut-être comique, où il feint d'abord de dire « Ah, j'ai pas retrouvé votre fille, mais j'ai trouvé cette dame, et peut-être qu'elle pourra vous servir tout aussi bien. » Et puis le père est triste, mais en fait, bien sûr, ils se reconnaissent, et puis ils voient que c'est bien sa fille. Je sais pas pourquoi, il s'est dit que ce serait une bonne prank, un petit moment d'humour. Ils essayent d'insister pour qu'il soit donc toujours cette espèce de vavasseur qui héberge le chevalier. Ils insistent pour le garder chez eux, mais il refuse de s'attarder et il veut repartir pour Montbrun. Et c'est rigolo, c'est qu'on nous dit à la fin, au moment où il s'apprête à partir pour Montbrun, qu'il parle avec Augier justement de Brunissen et de la dame, des bonnes qualités de Brunissen, de ses fêtes, de ses gestes, sa belle éducation. Et puis à la fin, Augier dit « On ne peut lui reprocher qu'une chose, elle ne veut pas aimer jusqu'ici, elle ne s'en est jamais souciée. Ouais. » Et Geoffrey dit « Oui, dit Geoffrey, elle serait dame accomplie si sa pensée était à l'amour. Ce serait peine, grand dommage et péché qu'elle perde ainsi sa jeunesse. Ce serait un malheur que sa grande beauté, dont tant d'hommes sont épris, si elle ne faisait le bonheur d'aucun. » C'est vraiment Wink, wink, nudge, c'est vraiment... Non, c'est le personnage de la châtelaine qui ne veut pas... qui doit son statut au fait qu'elle n'a pas de famille et qui ne veut pas forcément s'engager en relation, à part avec notre special boy, Geoffrey. Et d'ailleurs, le chapitre suivant va être consacré justement à cette... alors, ce que tu as appelé dans notre résumé des tergiversations romantiques, c'est vraiment... ils se retrouvent juste avant, justement, on est avant l'arrivée de Mélian. Parce que Mélian va rejoindre, il est à la cour d'Arthur entre temps, hein, il est allé pour le procès de Tolat. Là, c'est vraiment un moment, ils vont passer beaucoup de temps ensemble à réfléchir à ce que pense l'autre. Ça m'a aussi beaucoup fait penser par exemple à Troilus et Crisade de Chaucer. On est vraiment dans cette dimension tout à fait proche de ce qui est aussi dans Cligès. C'est vraiment ce discours amoureux interne où il se demande ce que pense l'autre. Très, très psychologique, sur les dards de l'amour, sur la flèche de l'amour. Et quelque part, il y a aussi un côté très, très réaliste, qui est beaucoup moins... qui est éloigné des considérations simplement purement philosophiques ou matérielles à propos de l'amour, parce que c'est vraiment une dimension pratique. On est dans une société où on ne peut pas avoir des relations d'essai, entre guillemets. Il y a une certaine latitude, mais pour une dame comme Brunissen, elle ne peut pas simplement s'engager et puis se dire « Bon, bah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. » Il y a vraiment une dimension plus sérieuse au fait d'entrer dans une relation avec quelqu'un, surtout quand on est dame d'un château, que ça implique un certain pouvoir, etc. C'est aussi un peu laborieux parce qu'on a des passages où justement Geoffrey se dit « Ah, quand je vais la voir, je vais lui parler comme ça ». Donc on ne nous montre même pas Geoffrey en train de parler, mais on le voit en train de se demander ce qu'il va lui dire et comment il va lui parler et quel discours il va lui tenir. Oui, ils se rejouent beaucoup leur conversation dans la tête. Hein. Ouais. C'est assez... Moi, j'ai trouvé que c'était un passage intéressant, effectivement, mais effectivement, je comprends qu'il puisse être un peu... il se passe pas grand-chose, effectivement. Disons, j'ai trouvé un peu bizarre d'avoir ce passage extensivement, qui, effectivement, est peut-être plus intéressant par rapport aux autres, et puis de couper le grand combat contre le méchant et puis de le résumer, quoi. C'est ça qui m'a semblé... Après, le grand combat contre le méchant, pour l'avoir lu, il est pas non plus excessivement intéressant. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Il y a ce côté un peu rigolo, parce que c'est vraiment le méchant de dessin animé, quoi. Ah, je suis très maléfique, tu gaspilles mon temps, jeune puceau, freluquet, je vais te vaincre et faire violer ta compagne. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est vu comme moins intéressant. Je sais pas, c'est enfin tout... en tout cas, après ces longues tergiversations internes, s'ensuivent un discours où finalement ils s'avouent leur amour, mais il y a un côté toujours un petit peu ambigu parce que Brunissen elle veut quand même pas trop faire celle qui est un peu trop. Le truc, c'est qu'elle se dit que si elle est trop enthousiaste à l'idée d'accepter Geoffrey, elle se dira que ses vassaux vont peut-être voir la chose d'un mauvais œil. Ils se diront, ah, elle va vers le premier venu, c'est pas terrible, et en fait, finalement. Elle va rapporter à ses vassaux les propositions que lui a fait Geoffrey, et puis elle va dire non, mais je veux pas, c'est suspect pour moi, j'ai pas l'intention de les accepter. Et en fait, elle espère que ses vassaux vont la pousser à accepter, parce qu'il faut bien qu'elle se marie et qu'elle ait un héritier. Alors qu'elle se dit que si elle acceptait d'un coup, il serait suspect de Geoffrey. Je pense que c'est ça la dimension, en fait, un peu le jeu politique de. Parce que peut-être aussi qu'ils doivent se dire que. Ses vassaux aimeraient bien avoir un mot à dire sur qui elle doit épouser. Je pense que c'est aussi ça le jeu politique qui est rendu ici. Les vassaux se sentiront plus valorisés si ils se disent bon, elle devrait accepter, et puis qu'elle dit non, mais qu'ils parviennent à la convaincre. Ils seront sans doute plus valorisés que si elle dit simplement voilà, c'est le type que je vais m'épouser, maintenant vous lui devez allégeance. C'est sans doute la dimension politique qui est relatée ici. Et en fait, la chose va être un peu facilitée par l'arrivée de Mélian de Montmélior, alors qui est d'abord annoncé par un chevalier qui lui dit voilà, il arrive bientôt, et il va arriver finalement avec tout un équipage depuis la cour d'Arthur, et il va être donc présenté comme le suzerain légitime effectivement de toute la région en fait. Donc il semble avoir un certain degré d'autorité auprès de Brunissen. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas, je me suis demandé si on aurait un espèce de... Je sais pas, il est suzerain de la région Ovi Brunissen, qui est une héritière célibataire. Peut-être qu'il y aurait une dimension juste de relation entre les deux, qui aurait pu être là. Je crois qu'on nous dit pas exactement, mais apparemment toute la région le pleure comme leur seigneur légitime, donc ça a l'air d'être un seigneur intermédiaire entre Brunissen et Arthur, qui a l'air d'être... puisqu'on va chez Arthur pour régler les différends, qui est le haut roi, et puis qui a l'air d'être un seigneur local, mais effectivement, on nous dit pas typiquement s'ils ont des liens familiaux ou autres, je crois pas. C'est un peu curieux, c'est vraiment cette dimension... qui n'est pas très détaillé, qui est un peu complexe à appréhender, mais toujours est-il que c'est finalement, grâce à, c'est par l'intermédiaire de Mélian qui va présenter Geoffrey en fait comme un époux légitime pour Polysen, en tout cas, que ça va se... Il va jouer vraiment un rôle d'entremetteur, où il va venir voir Geoffrey, puis il va lui dire « Mais est-ce que vous l'aimez ?» Puis là, « Oui, je l'aime. »« Mais non, mais est-ce que vous voulez la prendre pour femme ?» Il dit « Oui, oui. » Puis après, il va essayer... Puis elle dit « Ah, mais vous savez, n'importe quel roi, n'importe quel empereur serait satisfait de la marier, alors je serais bien outrecuidant si je m'imaginais que j'étais digne. » Et puis finalement, bien sûr, il va essayer de les pousser l'un vers, dans les bras de l'autre. Alors, juste avant l'arrivée de Melian, va y avoir un petit épisode intermédiaire où deux jeunes filles arrivent en pleurant. Il va d'abord penser, Geoffrey, qu'elles arrivent avec Melian, mais en fait, elles vont leur expliquer qu'elles étaient venues demander secours à la cour d'Arthur et qu'elles n'avaient pas trouvé là de chevalier pour les aider, alors que l'une d'entre elles, en fait, avait été dépouillée de sa fortune, de ses vassaux et de ses biens. Donc, en fait, elle n'a pas voulu donner son amour à un chevalier qui s'est révélé être perfide. C'est en fait la version un peu ce qui aurait pu arriver de mal à Brunissan, quelque part. Oui. C'est la version, le conte un peu, la leçon un peu... ce qui peut arriver si vous ne mariez pas un bon chevalier. Elle n'a pas voulu donner ses terres et à un chevalier perfide qui a péché, qui lui a enlevé ce qu'elle possède, en fait. Et du coup, elle est un peu frustrée parce qu'elle est... Enfin, un peu frustrée, elle est désespérée, surtout. Elle est à la cour d'Arthur et là, aucun chevalier n'a pu lui donner son appui. Et alors, il y a une mini-liste où Geoffrey va faire la liste, mais... Où étaient donc partis Gauvin, Yvain, Lancelot du Lac, Erec, Carduit, le Sénéchal Queux, Bédis le Preux, Tristan, Perceval et Calogrenant. Alors elle dit, bon, je sais pas moi, hein, mais j'ai demandé secours et personne n'a rien dit. Hein. Et du coup, il va leur faire promettre, il va finir par promettre, parce que Brunissen, elle est un peu frustrée, ses pucelles se plaignent surtout que Geoffrey... dont tout le monde lui a fait l'éloge, qui a vaincu Estoul Félon, qui a battu le géant lépreux, qui a battu le géant qui essaie d'en kidnapper la fille d'Augier, qui a battu et capturé Tolat. Elle se dit, ouais, c'est en lui que je place mes espoirs. Et là, il y a un moment assez rigolo où Brunissan, entre ses dents, dit tout doucement, « Pucelle, vous parlez comme une sotte. À moins qu'on m'en enlève par force, j'en aurai tout ce que je désire avant que je le laisse s'éloigner de moi. » Genre, littéralement, je laisse... Vous voulez Geoffrey, vous devrez le tirer avec des pinces avant qu'il vienne vous aider. Hein. Là, il y a peut-être des échos de Yvain, en fait, de la relation entre Yvain et puis sa châtelaine qui voulait le garder auprès d'elle pour... entre autres pour protéger le domaine, mais où justement Yvain était en train de cavaler faire d'autres aventures. Mais c'est vraiment ce côté assez justement, elle est bien avertie, elle va pas avoir le même coup parce qu'elle lui dit vraiment à la fin, c'est allez chercher ailleurs votre aventure, ma belle amie, de celui-ci vous n'emmènerez pas miette. C'est vraiment ce côté un peu égoïste comme ça. J'adore Brunissan, je trouve que c'est une des de tous les, j'ai beaucoup aussi Sort d'Amor qui a aussi un peu ses caractéristiques beaucoup plus fines, disons. Elle est... Sa personnalité est mieux décrite que même Blanchefleur, par exemple, est un peu un non-personnage dans oui. Perceval. En fait, elle est quelque part un peu plus proche de Guenièvre dans Lancelot, ou même de quelqu'un comme, justement, Sort d'Amor dans Cligès, ici. Oui. C'est ça que je trouve assez rigolo. T'as aussi le filtre un peu misogyne de « Ah, la femme qui ne montre pas ses émotions, elle est hypocrite, ou elle est un peu menteuse, et puis dissimulatrice, comme le sont les femmes. Ah, hypocrisie !» Oui, mais ce qui est ironique, c'est cette espèce de misogynie qui filtre un peu à travers le personnage de Brunissan. Pour nous, ça la rend presque plus intéressante, en fait. Oui. Elle a beaucoup plus d'aspérité. On est aussi beaucoup plus dans sa mentalité qu'on ne l'est jamais dans la plupart des dames des récits de chrétiens, par exemple. Donc c'est en ça que je la trouve assez rigolote, justement, ces petites scénettes où elle est là. Non, mais vous me prendrez pas mon mec, hein, arrêtez là. Hein. Ouais. Et finalement, il va finalement lui donner raison parce qu'il va accepter de secourir la dame, mais seulement après avoir fait tout ce qu'il avait à faire à la cour de Brunissan. Et donc ensuite, on l'a dit, Melian va essayer de les apparier ensemble, puis il rassemble tous ses vassaux, je vous passe un peu les détails, et puis tout le monde finit par accepter que c'est une très bonne idée, puis Brunissan dit qu'elle veut que leur mariage se fasse sous l'autorité du roi Arthur, donc ils iront se marier à Carduin. Oui, parce que jusqu'au bout, hein, elle va feindre d'être fâchée, l'idée en fait pour elle, c'est qu'elle puisse dire à ses vassaux, non mais je le fais juste parce que le seigneur Melian m'a demandé de le marier, mais... c'est une faveur pour lui. Et puis encore, je le fais que si c'est le roi Arthur qui demande. Vraiment, t'as l'impression de voir ces rois qui demandent à avoir leur cérémonie célébrée par des prélats plus importants parce que ça leur apporte plus de prestige. Là, non, si le roi Arthur célèbre pas le mariage, c'est pas valable. Et donc, du coup, ils vont décider d'aller se faire marier à la cour d'Arthur. Mais entre-temps, du coup, Geoffrey va avoir temps de secourir la demoiselle et il va aller se battre contre le méchant de l'affaire qui s'appelle en l'occurrence Félon d'Auberu. Oui, qui est le bien nommé Félon. Et en fait, ils partent pour Cardueil et au bout du quatrième jour, ils campent dans une prairie. Comme d'habitude, les temps de voyage dans le monde arthurien sont un peu absurdes. Genre là, on a plus de 4 jours de voyage pour Cardueil, ce qui est absolument pas vraiment cohérent avec les allers-retours que faisaient les autres. Mais ils sont attirés par des cris de détresse, et Geoffrey trouve une jeune fille qui se lamente parce que sa compagne est en train de se noyer dans une fontaine. Alors Geoffrey s'approche, il essaie de lui tendre sa lance, mais elle tire la lance, Geoffrey tombe dans la fontaine, et une fois qu'il est dans l'eau, elle le pousse par derrière. Et il disparaît sous les eaux, il y a l'air d'avoir une espèce de profondeur cachée, un royaume souterrain aquatique sous la fontaine, et il disparaît avec les deux jeunes filles. Mélian et Brunissant sont extrêmement tristes, mais Brunissant se jette d'ailleurs dans l'eau à sa suite, mais elle est rattrapée par les cheveux. Cependant, Geoffrey, au fond de l'eau, trouve le pays des deux jeunes filles. Donc c'est Geoffrey, il a vraiment fallu le piéger à ce moment-là pour l'attirer dans l'eau, sous la fontaine, pour aller, parce qu'en fait, ces deux jeunes filles sont apparemment un peu féeriques, elles ont un royaume. Oui, c'est les mêmes jeunes filles hein, qui étaient venues lui demander du secours avant. Qui étaient venues à la cour d'Arthur aussi demander du secours quand il n'était pas là. Et justement, le pays est ravagé par l'horrible Félon d'Auberu. Geoffrey, vous devinez, l'affronte et en est vainqueur, et la jeune fille fait cesser l'enchantement qui permet à Geoffrey de revenir à la surface et de retrouver Brunissen et sa suite. Ce que je trouve très rigolo, c'est qu'il y a une longue description de Félon qui c'est vraiment l'impression que c'est un orque, quoi. Ouais. Il a une bouche plus grande que gueule d'aléopard. Bon, alors, le problème, c'est que la description, quand on lit, je pense qu'il y a un côté vraiment raciste derrière. C'est vraiment, il est décrit comme, je vous le donne en mille, hein. Il a la tête plus grosse que celle d'un bœuf, un front monstrueusement élargi, un nez écrasé de travers, des lèvres épaisses et lipues, d'énormes dents mal plantées. Il y a un côté, caricaturel, un peu dérangeant là-dedans. On ne décrit pas sa couleur de peau, mais c'est tout juste. Hein. On ne sait pas si c'est raciste, c'est juste que les standards de beauté s'alignent parfaitement avec des caricatures racistes. Donc, mais certaines personnes disent qu'il n'y a pas de racisme. On ne peut pas parler de racisme au Moyen-Âge. Ouais, c'est des. Ouais, enfin, en l'occurrence, c'est assez. Le racisme a été inventé en 1626 par Jean Racisme. Ouais, je ne crois pas plus que ça. Non, en l'occurrence, là, c'est assez. Caricaturé. On va dire qu'il y a une continuité. Voilà. Hein, et ce que je trouve très drôle, par contre, dans tout le passage, c'est qu'au moment où Geoffrey tombe dans l'eau, tout le monde rentre en deuil. Il y a vraiment... Là, c'est fini. C'est fini, il est mort. Et ils sont dans la grande dialectique de savoir s'ils peuvent le pleurer parce qu'ils n'ont pas trouvé son corps, on ne sait pas très bien ce qui arrive. Mais tout le monde semble être là, non, c'est définitif, il est mort, il est noyé, on ne le retrouvera plus. Mais là, finalement, il arrive à battre Félon et à ressortir. Mais là, je trouve un peu dommage parce qu'on a une aventure aquatique sur des espèces de dames féeriques dans un royaume sous-marin planqué sous une fontaine. Et puis, pareil, Zink abrège le passage parce que finalement, il ne se passe pas grand-chose. Mais en termes de motifs d'histoire, c'est quand même assez intéressant d'avoir des espèces de... Pas vraiment des dames du lac, mais d'avoir des dames d'un royaume planqué sous l'eau, sous une fontaine, qui fait un peu comme cet épisode de Courage de chien Froussard où t'as des espèces de portails vers le monde d'une sirène qui s'ouvre dans toutes les étendues d'eau. Et puis aussi, je me demande si est-ce que Félon d'Auberu serait lié à Oberon ou à... Ah, c'est possible. Moi, ça me fait penser beaucoup à ces... Moi, ça me fait juste penser beaucoup à ces contes des Mabinogion où on a des rois qui vivent dans l'Anoun, l'autre monde, et on peut échanger de place, on peut y passer. C'est à ça que ça me fait penser, en fait. Cela dit, c'est possible que ce soit lié effectivement à à Oberon et au côté un peu Avalon, magique en tout cas. S'il y a des raisons de dire ah, c'est un motif breton, un motif celte, c'est peut-être le plus prégnant, disons, l'histoire de Geoffrey, cette histoire. Il y a cette histoire de dame sous une fontaine. C'est proche, il y a des gens qui disent oh, c'est juste comme chez Yvain, il y a la fontaine, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Hein, c'est vraiment la fontaine comme portail, parce qu'une fois qu'ils rentrent, ils passent sous l'eau, ils sont plus sous l'eau, et il y a vraiment des montagnes et des vallées. Ils vont avoir toute l'histoire qui se passe dedans est vraiment contenue dans cette fontaine, mais ça semble être un pays plus vaste. Je dis monde aquatique. Mais c'est vrai, ils sont pas genre sous l'eau, il n'y a pas un royaume de gens qui ont des hippocampes pour chevaucher dessus, malheureusement. Non, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que là, on est vraiment dans une aventure complète, hein. C'est pas simplement il va la battre, il y a tout un récit de nouveau, comme quand il se bat contre Tolat, il y a vraiment tous les artifices, et finalement, lui, alors il se repent quand même un peu, Félon d'Auberu. Oui, d'ailleurs, il est incorporé au cortège de mariage, en fait. Il sort de la fontaine avec une des jeunes filles, et puis il a un oiseau de chasse merveilleux qu'il va offrir à Arthur, en fait. Il se réforme immédiatement, puis il fait partie de la troupe maintenant. Oui, ils arrivent avec toute une troupe, ils sortent finalement de la fontaine avec une centaine de personnes, et là, en fait, c'est ça, ils ont appris avant cela. À Arthur, visiblement qu'il n'est pas mort. Et en fait, c'est des messagers d'Arthur qui vont apprendre à Brunissen qu'en fait, Geoffrey s'en est sorti. Et en fait, il voit là la troupe d'une centaine d'hommes menée par Geoffrey, justement. Et là, évidemment, elle a une telle joie Brunissa, en voyant Geoffrey, qu'elle ne peut plus rien dire, mais qu'elle lui saute simplement au cou, l'embrasse et le fait asseoir à côté d'elle. Et à côté d'elle aussi, on a s'assoit Méliant, vu qu'il est effectivement son seigneur légitime. Je crois qu'il y a aussi, si on regarde le parcours psychologique de Brunissa, il y a l'idée que, apparemment, le fait d'avoir cru qu'elle avait perdu Geoffrey dans cet épisode, ça l'attendrit un peu, puis ça met un peu fin au barré. Alors, elle a accepté de le marier, donc c'est un peu fini, mais ça contribue aussi au fait qu'elle met fin à ces espèces de barrières, puis qu'elle embrasse son amour pour Geoffrey de façon plus visible. Oui, c'est ça. C'était curieux parce qu'elle semblait assez clairement être amoureuse de lui. Et entre eux, ils le savent. Mais je crois que c'est surtout ce qui lui fait tomber ses barrières avec le monde extérieur, en fait. Parce qu'entre eux, ils s'étaient avoué leur amour. Mais c'était surtout cette espèce de façade qu'elle présentait à ses vassaux et à ses hommes, qui était celle de quelqu'un qui n'était pas plus amoureuse que ça et qui le faisait pour le devoir. Et en fait, elle est un peu obligée aussi de le faire parce que quand elle se lamente pour lui, quand elle le croit mort, bah, elle le fait sincèrement et elle n'est pas simplement là, ah, ouais, bon, bah, j'en suis débarrassé, au moins voilà. C'est une partie de ça aussi. Mais évidemment, le fait qu'elle... qu'elle soit bien obligée d'admettre qu'elle était vraiment amoureuse de lui et qu'elle est très heureuse de finalement pouvoir le retrouver. Donc, sans suivre les noces à Cardueil, d'abord, ils vont faire semblant d'attaquer le château. Donc, il y a qu'eux qui va sortir du château pour le défendre. Et puis, bien sûr, c'est là que Geoffrey va pouvoir se venger de qu'eux en le désarçonnant pour le punir des propos désobligeants qu'il a tenus au début du roman. Donc, très, très Perceval, en fait. Et puis, les fiancés sont chaleureusement reçus par le roi et la reine. Et après 8 jours où ils sont restés au château, le mariage est célébré par l'archevêque Galès. Est-ce que c'est l'archevêque de Galles ou bien est-ce que... Bon, voilà. Et en présence du roi et de 100 000 chevaliers, donc quand même pas mal de peuple. Il est suivi d'un tournoi, donc on a quand même un tournoi à motif classique, et un énorme repas, bien sûr, avec beaucoup de chants, des danses de jongleurs, etc. Astérix, quoi. Sauf que c'est pas la fin de l'histoire, parce qu'on va pouvoir un autre épisode qui reprend celui de la bête. C'est un décalque de l'épisode qui avait ouvert le roman. Il y a quelqu'un qui a un écuyer qui arrive puis qui crie tout, voilà, écuyer qui arrive en gueulant dans la cour, oh, aux armes, qu'est-ce qui se passe, le roi lui demande ce qui se passe, pourquoi me le demander, levez-vous vite, ne tardez pas, j'ai peur que vous perdiez du temps, donc there's no time to explain. Et commence à perdre du temps et il lui dit, je suis sorti du château il y a un instant pour me promener, puis il y a un oiseau qui est venu s'abattre sur moi et qui a failli m'emporter, puis une espèce d'oiseau géant, je crois que son bec est plus grand que 10 échalas. Il est plus grand que l'on ait fait depuis 1000 ans, sa tête est plus grosse qu'une jarre, ses yeux sont si clairs et si beaux qu'on dirait des escarboucles, ses pattes sont plus hautes sans aucun doute que cette grande porte. Donc il y a une espèce d'oiseau géant. Ouais, qui... un roc ou un bien un crac ou casse. On a parlé des influences arabes, mais je pense qu'on pourrait en faire... on pourrait sûrement faire une espèce de théorie craquée sur le fait qu'en fait ça vient des mille et une nuits, tout ça. Moi, la seule image que j'avais, et à la fois quand je lisais l'histoire de la bête et ça, moi je pensais juste à Johan et Pierre-Louis et au Schtroumpf, oui, en fait. Oui. C'est vraiment le crac ou casse, là. C'est le crac ou casse. Et le roi se dit, pardieu, je vais m'en rendre compte. Et il appelle un page, il dit, amène-moi les armes. Gauvin, Geoffrey et Méliant viennent tous les trois devant le roi. Et ils disent, on va vous accompagner au cas où l'oiseau aurait le dessus de quelque façon et au cas où il ferait du mal. Et Arthur dit, n'en parlez plus, personne n'ira avec moi, j'irai seul. Arthur est absolument... J'avais dit dans un épisode précédent qu'Arthur était moins actif après la fin de la tradition des chroniques, ce qui n'est pas entièrement vrai. Je dois me repentir de ça. Il y a 2-3 romans où Arthur a quand même... un peu d'action, et là c'est un cas où Arthur a absolument la bougeotte et puis il est irresponsable. Genre, il veut pas être accompagné, il veut pas être aidé, et donc ils disent... C'est peut-être pour ça qu'il ferait d'ailleurs un mauvais personnage de roman principal, cette version d'Arthur, parce que si c'était lui, là, il serait mort il y a longtemps, là. Et il dit juste que, dit alors, Seigneur, soyons vigilants avant que notre voyant roi soit secouru si nous voyons qu'il en a besoin, sans attendre qu'il nous appelle. Donc ils se disent, inutile de nous le dire, même si nous savions que nous y trouverions tous la mort. Donc ils disent, on va quand même le suivre de loin pour le babysitter un peu. Et quand il voit l'oiseau, il commence à s'approcher tout doucement, l'épée à la main. Et l'oiseau féminin va le frapper. Le roi essaye de frapper un coup. L'oiseau esquive et lui prend son épée avec le bec. Il le désarme et il le saisit et il l'emporte. Donc, à cette vue, je voyais de nouveau pousse des grands cris, lamentent, il y a un oiseau géant qui est en train d'emporter le roi. Qu'est-ce qu'on fait? Maudit soit celui qui a apporté les nouvelles et qui les a... Encore un qui a fait sortir Arthur de son fauteuil et puis pour aller attaquer des oiseaux géants. Hélas, mort, pourquoi ne viens-tu pas me tuer puisque désormais je ne pourrais me défendre de mourir? Donc, tout le monde est vraiment désespéré. Et Geoffrey jette son écu et son épée par terre, il déchire ses vêtements. La reine arrive en pleurs. On n'a pas mentionné, mais Guenièvre a un prénom différent. D'ailleurs, elle s'appelle pas Guenièvre. Elle s'appelle Guillaumec. Au Guillaumier ou un truc comme ça. Guillaumier, donc ce serait une espèce de version féminine du prénom Guillaume, ce qui est un peu particulier. Mais Guillemette. Bon, Guillemette. Et donc tout le monde est triste. Et à chaque fois, ils ont l'impression de voir l'oiseau qui laisse tomber le roi d'une grande hauteur. Et alors, ils se précipitent tous pour essayer de l'attraper. Et l'oiseau le rattrape et le remonte aussitôt. Et ils commencent à crier, hurler, ils sont tous, bah, on imagine, ils sont tous terrifiés qu'Arthur se fasse mal. Un conte dit alors qu'il faudrait essayer d'écorcher 5 bœufs et de les tirer à quelques distances pour attirer l'oiseau. Ça marche pas du tout. Ah non, bah, littéralement, ils le font. Hein. Ils vont chercher les bœufs, ils les égorgent et ils les ont égorgés pour rien parce que bah, l'oiseau, l'oiseau, il est pas attiré par la bouffe. Donc, il reprend le roi et il part dans une région où on nous dit qu'elle est infestée par les serpents, les sangliers, les fauves aussi, d'autres bêtes sauvages. Et donc, tout le monde se dit, bah, il est foutu parce qu'on va pas aller là-bas. C'est vraiment une sale région. Chacun rompt et déchire ses vêtements, toujours, se frappe le visage. Tout le monde, c'est très beaucoup d'automutilation dans cette histoire-là, manifestation de deuil. Mais l'oiseau poursuit son chemin en suivant le cours d'une rivière, donc ça sous-entend que bah il passe entre les arbres, etc. Et il fait une espèce de boucle où il arrive au château. Et quand il entre dans le palais, il pose le roi et il se change en chevalier beau et grand, vigoureux et accompli. Et vous l'aurez deviné, c'était le chevalier métamorphe qu'on avait eu au début de l'histoire, qui de nouveau a fait une prank. Pourquoi il l'a refait? C'est pas extrêmement clair parce qu'il avait été mis au défi de le faire et il l'avait fait. Donc pourquoi est-ce qu'il le refait? On sait pas. Et il dit je vous pardonne, mais que va-t-il advenir de mes barons qui sont en train de courir dans tous les sens? Oh, on va les faire revenir. Et donc l'enchanteur se rechange en oiseau et va survoler les barons, et tous s'écrient voici l'oiseau, il se dirige vers le château, il a déposé le roi quelque part, ou peut-être l'a-t-il mangé. Donc j'aime beaucoup le côté Benny Hill, comme le côté Benny Hill où tout le monde le côté très slapstick. Ils arrivent au château, puis bien sûr tout le monde peut être rabiboché, et tout le monde est triste, et tout le monde est en lambeaux parce qu'ils n'arrêtent pas de déchirer leurs vêtements et de jeter leurs armes. Alors Arthur envoie un page au village le plus proche pour dire à tous les tisserands et tous les gens qui vendent des vêtements de venir au château avec leurs vêtements pour fabriquer des nouveaux vêtements à tout le monde. Donc ils payent un costard à tout le monde pour un peu se faire pardonner. Ils seront payés sur l'heure au prix qu'il leur plaira. Et donc ils font charger 5 chars... De Sando, 5 de Samit à Orfroid, 10 des meilleurs draps d'écarlate que chrétien ou chrétienne n'ait jamais vu nulle part. Oui, je crois que ça manquait de description de tissu jusque-là. Voilà, voilà. Il s'est dit, ah merde, j'ai pas mis de description de tissu. Les gens adorent ça. Et c'est vraiment la rédaction du manuscrit final dans le monastère. Et Coco. Plus de tissu. Ouais, mais il y avait la description de la jante. Ouais, mais c'est pas assez. Non, faut faire vendre, mec. Cet épisode vous est apporté par l'écarlate, un produit des tisserands de Troyes. c'est ça, t'as l'impression que autant ça se comprend plus pour chrétien qui vit dans un territoire de foi où il se dit bon voilà les gens, là c'est rigolo parce que c'est vraiment le même motif mais juste en comprimé, juste oui. Ils arrivent d'un coup avec tout leur tissu. Ça montre la générosité d'Arthur, et puis aussi le roi Arthur accorde sa grâce à Félon d'Auberru qui apparemment est quand même un des méchants qui s'est réformé, donc on a un côté très sadique pour le roman, mais aussi Geoffrey a l'air de s'adoucir un petit peu parce qu'il a pas tranché les pieds de Félon d'Auberru pour commencer. Bah, peut-être qu'il a ce côté un peu féerique, c'est peut-être aussi pour ça, il vient d'un autre monde. Ironiquement, il est pas aussi... En fait, puis finalement, hein, son crime, c'est juste de déposséder deux jeunes filles de leurs biens. Alors comparé à ceux qui en violaient ou qui faisaient tuer des chevaliers ou qui faisaient prisonniers des chevaliers, oulala, qui torturaient des chevaliers, c'est pas grand chose. Non, mais il y a vraiment, on a l'impression presque cette gradation des méfaits, suivant comment les, la même façon que bah, Tolade, qui est quand même le grand méchant de l'histoire, n'est pas tué à la fin, il subit une punition qui est quand même pénible, mais qui n'est pas mortel, enfin, qui n'est pas censé être mortel. Enfin, on se demande bien, hein, parce que le faire torturer tous les mois... Faire torturer pour les mois, ouais. C'est pas terrible. Enfin, il n'y a pas une punition mortelle, c'est pas comme les géants qui sont juste égorgés ou tués, pieds coupés, ouais. comme chez... comme il arrive au bois du géant. Alors, et mais justement, le géant lépreux. Pas toujours, parce que... Alors, là, on a encore deux épisodes qui vont conclure le roman. Le premier, c'est celui de la fée de Gibel, c'est l'autre jeune fille que Geoffrey a sauvée. Ils arrivent près de la fontaine enchantée, et ils voient sortir tout un cortège. D'abord, ils se disent, oh, ils vont nous péter la gueule. Mais en réalité, c'est la jeune fille qui leur apporte des présents. Et ils font un festin sur une espèce de tente enchantée. Donc, il y a l'idée, voilà, c'est une tente tellement merveilleuse et beaucoup plus grande qu'une tente normale et beaucoup plus. Et elle offre plusieurs choses qui vont pas servir à grand chose parce que c'est la fin de l'histoire. Mais Geoffrey reçoit une formule magique qui le protège des bêtes dangereuses. Brunissant, elle lui donne le don de ne jamais déplaire. Et à Mélian, celui de n'être jamais fait prisonnier. Jamais prisonnier. C'est un peu tard, mais pour la suite, donc il y a cette espèce d'idée des dons féeriques. Là, à l'occasion d'un espèce de mariage ou de fin, normalement, on a aussi ce motif qu'on connaît, hein, de la fée qui se penche sur le berceau, qu'on trouve dans plusieurs chansons de gestes, peut-être certains textes arthuriens ou para-arthuriens aussi, mais là, c'est plus dans un contexte de mariage. Et ceux de la suite, elle donne aussi des cadeaux à plusieurs personnes de la suite. Elle révèle son identité. Elle est la fille de Gibel ou Gibel. Zing se pose la question de, est-ce que ça pourrait être Jebel, donc le mot arabe pour la montagne ou les hauteurs, donc Jabal, ce qui renvoie à plein de lieux. Et le château délivré par Geoffrey dans le monde sous la fontaine s'appelle Guibaldac. Puis lui il se dit peut-être que c'est Gibraltar, Peut-être. Du Baldac, je sais pas, ça me semble. Donc, à cause du contexte hispanique, il se dit peut-être qu'on a un truc un peu arabe, hispanique, Afrique du Nord, qui rejoint notre description de leur mutilation chiite lors de la. Oui, non, et effectivement, il y a ce côté un peu. Ouais, entre l'appel à la prière chiite. Et puis les mutilations pour pleurer Ali, effectivement, il y a un certain contexte là-dedans. Peut-être que c'est de l'Ashura. Peut-être que si on réécrit suffisamment la datation, on peut essayer d'en faire une espèce de propagande fatimide. Mais donc, il y a un épilogue où, avant d'entrer dans Montbrun, Geoffrey reçoit l'hommage des chevaliers du château. En fait, ils le reconnaissent comme leur seigneur parce qu'ils sont mariés maintenant. Et il pardonne à la mère du lépreux et du géant. Donc, la mère nécromancienne, qui était quand même celle qui a invoqué le démon, qui est celle qui a enchanté, qui a basiquement engendré un peu tous ces personnages maléfiques qu'il a tués, il lui pardonne. Il va pas la tuer parce que ça reste une femme, donc ce serait un peu plus mal vu de la trucider comme ça, mais il y a quand même ce pardon qui vient. Et aussi il va demander à Melian une chose. D'abord il passe une nuit avec Brunissen dans l'intimité, ils sont là enfin seuls, genre enfin on peut arrêter, parce que justement un des trucs qui fera beaucoup Brunissen, c'est qu'elle doit maintenir cette espèce de façade sociale face à ces vassaux qui sont des espèces d'abrutis sauvages et qui deviennent fous quand on mentionne Melian. Et elle doit, et le fait d'être seule et dans l'intimité, voilà, ils ont cette espèce de confort où ils sont enfin réunis seuls, et puis aussi a priori sexuels, et ils passent la nuit ensemble sans que rien vienne les contrarier, enfin tranquille. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et littéralement, le roman nous dit à plusieurs reprises, Geoffrey aimerait bien serrer Brunissen nue dans ses bras. Donc, ouais. C'est assez explicite, on n'est pas du tout dans quelque chose de bon. En général, on n'est pas dans des trucs puribonds dans cette littérature, hein, mais là, particulièrement clair. Et là, c'est enfin la récompense finale. Le lendemain matin, ils se lèvent pour entendre la messe à l'église. Et c'est assez marrant parce qu'ils ont une espèce de jab. Ça fait vraiment la fin de l'épisode un peu humoristique où tout le monde rigole, puis il y a la caméra qui dézoome pendant qu'on entend les gens qui rigolent, et puis la voix qui dit, et ils vécurent heureux. Là, c'est très ça. Donc, Melian se prit à dire, Dieu, comme vous êtes matinal, vous qui aviez l'habitude de dormir si longtemps, mais je sais que vous n'aurez plus d'ennui avec le chant des oiseaux du verger. Ils ont chanté toute la nuit pour que rien ne vienne vous troubler. Melian dit Geoffrey, vous pouvez bien vous moquer de moi, mais je suis sûr d'une chose, c'est que je m'en vengerai quelques jours. Melian s'est alors vêtu et chaussé, il s'est lavé les mains, et ils vont à l'église et tout, et ils ont un très beau service pour l'église, mais plus beau que si c'était Pâques ou Noël, pour honorer Brunissen et leur seigneur. Et après le service, Melian dit que le lendemain, c'est le début du mois, et qu'il doit faire gravir la montagne en le frappant à Tola, comme il avait l'habitude de me le faire. Et Geoffrey dit, à la bonne heure, mais je voudrais vous demander une chose, pour l'amour de moi, que vous le fassiez grâce ce mois-ci. Donc il commence un mois plus tard. Et il a insisté et supplié jusqu'à ce que Melian finisse par accepter. Donc Geoffrey est quand même quelqu'un qui est devenu plus clément depuis qu'il est devenu un seigneur. Donc, cette espèce c'est vrai qu'il a ce côté dès le début, hein, il a un côté très vengeur, très... Bah, il commence à se venger. Le début de la quête. Littéralement, le début de la quête, c'est effectivement, il voit quelqu'un se faire tuer et son premier réflexe, c'est d'aller buter le type qui l'a fait. Donc, vraiment, effectivement, il y a un côté peut-être un peu adouci par la fin. Que certains ont pu expliquer par les deux rédacteurs, justement. Parce que le paragraphe final dit à présent, prions tous ensemble celui qui est venu au monde pour tous nous sauver, qu'il daigne pardonner, s'il lui plaît, à celui qui a commencé ce roman et à celui qui l'a achevé, qu'il donne de vivre et de se conduire en ce monde d'une façon qui lui mérite le salut. Dites tout ensemble Amen. Ce beau livre est terminé. Que Dieu en soit sans fin remercié. On en a fini. Hein. Dieu merci. Dieu merci. Mais c'est assez marrant parce qu'il dit pardonner à celui qui a commencé le roman et puis permettre à celui qui l'a achevé de vivre comme il faut. Donc ça laisse entendre que celui qui l'a commencé est mort, puisqu'il faut lui pardonner, et que celui qui a vécu, il est encore vivant, il faut qu'il se comporte bien. Bon, ça... c'est un motif récurrent, hein, à la fin des contes de Canterbury, Chaucer, dans sa rétractation, déjà demande pardon pour ses œuvres mauvaises, entre guillemets. Donc c'est peut-être aussi une position rhétorique. Peut-être que l'idée est qu'entre-temps, il a vu le Seigneur, il s'est converti. Et il n'est pas la même personne, voilà. Il n'est plus la même personne, il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Mais il y a aussi une possibilité de voir justement deux couches, parce qu'il y a aussi la théorie que peut-être pas qu'il y a eu deux rédacteurs, mais qu'il y a eu plusieurs couches de rédaction, donc une première couche à la fin du 12e, puis après réédité sous un certain roi d'Aragon. C'est possible justement que quelqu'un soit dit... Elle lut ça et se soit dit, hein, ce serait bien quand même si Geoffrey, maintenant que c'est plus seulement un chevalier, mais c'est le seigneur d'un château, qui fasse preuve de clémence. C'est pas forcément une vertu qu'on attendrait du chevalier guerrier, etc. Mais maintenant qu'il est à la tête de ce château, peut-être que ce serait bien qu'il pardonne à la mère du géant, et puis aussi on va repousser la torture de Tola d'un mois, ce qui change pas grand-chose, parce que ça va quand même durer 7 ans. Mais peut-être qu'il y a l'idée d'introduire ça à la fin. Je sais pas, est-ce possible aussi qu'on ait effectivement rajouté des bouts, comme typiquement l'histoire de Félon. Oui. Ça pourrait s'insérer. D'un côté, ouais. C'est aussi important parce que c'est ça qui révèle à... J'ai un peu de mal à voir en fait quelle partie aurait été rajoutée. Je pense qu'il y a une deuxième rédaction, c'est plus dans les formules et dans peut-être l'extension des discours. Ouais. Typiquement, quelque chose comme les discours de Brunissen et de Geoffrey auraient pu être un peu plus élargis à cette occasion-là. Mais typiquement, la plupart des éléments sont reliés à d'autres éléments d'une façon que je me demande Ouais, si on parle d'une deuxième révision, c'est une révision assez intense quand même. Oui. Typiquement parce que l'histoire de la disparition de Geoffrey dans la fontaine explique en quelque sorte aussi le brisage des barrières de Brunisane. Oui, mais sinon, il y a des scènes qui sont très épisodiques et qui ont pu être ajoutées à un moment ou à un autre. Ce roman est quand même très intéressant, je trouve. Il y a quand même, par rapport à d'autres, il y a quand même beaucoup d'action. Beaucoup de scènes assez mémorables, des combats qui sont pas si barbants que ça. Vous avez quand même beaucoup de, je veux dire, fantastique pour énerver tout le monde qui déteste qu'on mélange les différents registres littéraires. Non, vous avez beaucoup de merveilleux. Le fait qu'il y a un lépreux, qu'il y a un enchantement, la mère nécromancienne. Vous avez le combat contre un démon qui d'ailleurs peut faire penser à une datation plus tardive du truc, parce que moi ça m'a beaucoup fait penser à Usain de la quest del Saint Graal, ou bien des continuations de Perceval qui elles datent tous de 1225-1230, et le fait qu'il y ait un chevalier noir démoniaque qu'on affronte près d'un ermitage, moi ça me fait quand même me dire, ouais, je pense pas que cette scène là elle date de 1170 par exemple. Non. Ça me paraît très, très bizarre que cette scène soit plus vieille que certains passages même de chez Chrétien, quoi. Ouais, il y a aussi ce côté je pense que c'est là qu'on voit vraiment une trace un peu ancienne chez Chrétien, c'est un côté beaucoup plus premier degré. Il y a moins de discussion. On a l'impression que là, l'auteur cherche quand même à attirer l'attention sur certaines caractéristiques un peu, récurrentes, ou sur certains clichés artificiels. Il y a plus de ce qu'on dirait en TV Trope, ça s'appelle de la suspension d'abat-jour. Oui. Quand tu pointes vraiment... C'est difficile de dire... C'est difficile de dire. Lampshade hanging en français. Ouais. Mais en gros, quand tu pointes des tropes ou tu mets à l'attention sur des éléments récurrents. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est peut-être plus le cas et que ça me fait penser... Quand je lis ça, moi, j'ai plus l'impression de lire effectivement une continuation de Perceval ou un épisode assez long de la Vulgate, du Lancelot Graal. Ça m'a fait parfois... La relation avec Mélian m'a fait parfois penser à certains épisodes du Lancelot. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose, je pense, à dire. C'est vrai que c'est très arbitraire comme raisonnement, mais c'est vrai que, par exemple, l'ermite qui vient battre un démon, moi, ça me fait quand même penser que peut-être que le Lancelot Graal est déjà dans le paysage, en tout cas en partie, pour ce genre de symbolique, de scène, et une espèce de logique très... c'est un homme d'église qui va venir rompre le combat contre un démon. Qu'on trouve pas forcément quand on est encore au 12e siècle, enfin, tout est relatif. Il y a des choses assez intéressantes avec les dames de la fontaine aussi, donc vous avez ce royaume, ce portail de la fontaine. Puis j'aime beaucoup comment les gens essayent immédiatement de... Genre, Geoffrey disparaît dans la fontaine, alors Brunisson se jette immédiatement, mais elle n'arrive pas. Geoffrey peut pas passer la porte, alors il prend son élan pour sauter la porte. Quand ils sont confrontés à ce merveilleux, ils réagissent de façon très concrète. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait voir aujourd'hui dans un film où il y a un champ de force qui nous empêche de passer. Bon, on va essayer de sauter à travers. Mais de nouveau, ça me fait plus facilement penser à des choses comme typiquement, une des illustrations assez parlantes, je trouve, la différence entre Chrétien et ses continuateurs, c'est que, à part quelques éléments particulièrement teintés de merveilleux, notamment l'histoire du pont de l'épée dans Lancelot, c'est celui qui me fait le plus penser à ça. C'est le pont de l'épée et le guet enchanté, l'espèce de machine à laver dans lequel... Il y a l'anneau d'invisibilité divin. L'anneau d'invisibilité divin et la fontaine, éventuellement. La fontaine, c'est un motif folklorique qu'il n'a pas inventé, quoi. À part ça, typiquement, quand il y a un échiquier dans le Perceval, Gauvin balance... se sert de l'échiquier comme bouclier et la damoiselle qui est avec lui balance les pièces sur leurs attaquants, alors que quand il y a un échiquier dans les continuateurs, c'est un échiquier magique. Oui. C'est ça la différence pour moi entre les deux, en fait. C'est ça qui est assez pousserait à dater ce récit plus tardivement. Il y a clairement des références à Chrétien. Je l'ai dit plusieurs fois, il y a des choses qui nous font penser. L'arrivée de Geoffrey, on pense beaucoup à Chrétien. Le sergent qui bat dans la forêt, moi je pense que c'est débattable parce que je suis sûr que c'est un motif qu'on peut trouver plus largement, mais ça me fait beaucoup penser au personnage de Perceval, mais présenté négativement. Ils ont tous quelque chose en plus, oui. Ces chevaliers, ces monstres ont une qualité un peu différente des chevaliers félons qu'on rencontre régulièrement chez Chrétien, où c'est juste des types un peu un peu méchants. Oui. Si ça fait plus penser à quelque chose, ça me fait penser vraiment à des récits gallois, ouais. À ce moment-là. Ah, mais oui, là, ça me semble être un parallèle que je vais peut-être pas faire sauter, que je préfère pas sauter, parce que la sirène de parallèle douteux sonne. Oui, oui. Bah disons, c'est hasardeux parce que c'est difficile de voir la transmission de ces textes gallois-là, mais ça me fait beaucoup plus penser effectivement à des récits comme les Mabinogion, typiquement, où il y a ces éléments de fantastique, de merveilleux, de transmettre à travers les mondes. Mais je pense même pas au roman inspiré de Chrétien dans les Mabinogion. Je pense plutôt vraiment à Colocheolwen, par exemple, avec ses gérants, ses espèces de monstres. Je sais pas, ça me semble être plus proche de ça. Donc peut-être que c'est finalement le retour de ces éléments-là dans la littérature française ultérieurement qui a mené vers un passage de ça chez, dans la littérature occitane aussi. Et donc, ça daterait vraiment, ça d'au moins, les années 1220, 1230. Il y a, si vous commencez à réfléchir côté un peu Jean Marcal, il y a des parallèles que vous pouvez faire avec les fameuses dames des fontaines. On en parlera dans le prochain épisode où on parlera encore des continuations de Perceval. Vous avez, je crois que c'est dans l'élucidation, si je ne dis pas de bêtises, où on essaye... L'élucidation, c'est un texte qui essaie d'expliquer pourquoi est-ce que le Graal fonctionne comme ça et qui nous explique qu'il y avait des dames des fontaines, qu'il y avait des espèces de coupes enchantées et qu'un jour, une d'entre elles a été violée et qu'en fait, elles ont décidé de plus alimenter les fontaines. Donc vous avez un viol qui crée cette espèce de tarissement de la nature et qui explique le pourquoi du coup douloureux de la terre gasse du machin. C'est un texte un peu bizarre, mais du coup il y a des gens comme Jean Marcal qui vont essayer de faire un parallèle et dire ah bah là il y a un motif clairement folklorique celto-celtique qui explique que les dames des fontaines, peut-être aussi liées à la fontaine chez Yvain, ces esprits, ces espèces de nymphes gardiennes des fontaines qui peut-être trouveraient une nouvelle incarnation là. On peut le discuter, je pense qu'il y a en tout cas un parallèle littéraire à faire entre les deux qui est intéressant quoi qu'il en soit. Mais la datation justement, ce qu'on dit là, moi ça me fait pousser pour les dates un peu plus tard et je pense que c'est pas impossible que le texte date de 1225. Après, je pense aussi possible effectivement qu'il y ait une source originelle qui soit beaucoup plus simple et qui n'ait pas tous ces artifices là qui nous font pencher vers la date plus tardive, mais c'est toujours hasardeux de faire ce genre de parallèle parce qu'on n'a pas d'évidence manuscrite et qu'il n'y a rien qui nous permette de dire. C'est pas comme par exemple les textes bibliques où c'est relativement facile de se dire bah voilà, tel bout là, c'est clairement une interpolation parce qu'il n'y a pas de cohérence avec le bout avant et le bout après. Là, si vous essayez de couper des bouts, je vous assure que ce sera difficile d'essayer de rattacher les choses un peu de façon cohérente sans faire des altérations assez massives. Bon, ça n'empêche pas les gens d'essayer. Non, mais ça c'est aussi, sûr. Aussi, c'est assez long. 10 000 vers, c'est quand même. Bon, il y a beaucoup plus long aussi, mais en termes. Si on pense que le modèle c'est chrétien, 10 000 c'est quand même au-dessus de la limite. C'est la barrière haute, ouais, effectivement. Après, voilà, c'est aussi ça qui pousserait vers une datation. Après, si c'était en prose, par exemple, on ne se poserait pas la question. On se dirait que c'était beaucoup plus tardif. Mais c'est du vers octosyllabique. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, dans l'esprit des gens, ça me semble être quelque chose qui est toujours vu comme quelque chose d'assez primitif, ce qui me surprend un peu, parce que j'avais toujours vu placé autour du... vraiment, fin du XIIe siècle, et là, moi, en le lisant, ça me fait clairement penser au XIIIe. Mais enfin, bon, voilà. C'est le genre de choses qu'on développe aussi, je pense, en lisant beaucoup de littérature arthurienne. On commence à avoir une compréhension des motifs, même si on n'est pas forcément capable de les rattacher exactement tous à une période précise. On a un bon sens de l'évolution, en fait, qui se détache de ça. On commence à créer une sensibilité sur cette espèce de nébuleuse de tendance, de machin. Mais c'est vrai que c'est très difficile de prouver ou de discuter ou même de transmettre pourquoi on pense de cette manière-là, après. Allez pas nous citer dans un essai universitaire sur ça. Hein, là, on parle plus en tant que lecteur un peu amateur et qu'est-ce que ça nous inspire, disons, sur les thèmes, etc. Mais en tout cas, je l'ai bien aimé comme lecture. Oui, c'était une lecture intéressante, c'était un peu différent, ces sensibilités différentes, ces personnages un peu différents aussi, même si Geoffrey en lui-même n'est pas extraordinairement original, mais bon, ça c'est jamais le cas. J'ai beaucoup aimé Brunissen, je dois dire. Je sais que ses passages étaient peut-être un peu longs, mais son côté un peu retors comme ça n'était pas déplaisant pour une fois, pour changer un peu, disons, le personnage de la damoiselle classique. C'est une lecture intéressante, en tout cas, je vous conseille vraiment de le lire dans la version de Michel Zink. Dans la légende arthurienne. C'est la plus accessible. Et puis, encore une fois, hein, si vous voulez la légende arthurienne, vous avez aussi Le Père Lesvos. Bon, vous avez aussi Perceval, mais bon, ça, vous le trouvez ailleurs. Mais vous avez plein de petits récits vraiment intéressants, que ce soit... Après, on peut discuter leurs abréviations. Ils ont abrégé beaucoup de textes de différentes manières. Alors ça, c'est évident, surtout avec des textes comme Le Père Lesvos ou justement Geoffrey, qui sont quand même assez longs. Bon, Père Lesvos, c'est une autre bête hein, en termes de longueur, mais... ouais. Par contre, pour des textes comme les textes de Gauvin, dont on a parlé en fin d'année passée, La Demoiselle à la Mule, La Mule sans... Oui, si vous voulez commencer quelque part, c'est peut-être une bonne idée. C'est une bonne idée en général, et vous avez Geoffrey avec. Puis je vous conseille aussi, si vous voulez, on l'a pas mentionné les éditions, mais il y a une édition en ligne de Charmaine Lee qui se base aussi, je crois, sur celle de Brunel, qui est basiquement une version en ligne du texte avec pas de traduction. Mais du coup, si vous voulez juste voir la langue un peu à quoi elle ressemble, vous avez une version sur internet de 2002 pour jeter un œil. C'est le combo que je vous conseillerais, légende arthurienne plus peut-être jeter un œil pour voir un peu comment ça se traduit dans le texte, parce que c'est clair que la prose, on perd un peu de la mélodie. Oui, le rythme particulièrement du texte est vraiment très particulier pour Geoffrey, et je vous encourage vraiment à jeter un œil. C'est peut-être pour ça aussi que c'est intéressant de regarder si vous arrivez à mettre la main sur la traduction de Lavaux et Nelly, ce qui peut être intéressant à regarder. On va militer maintenant pour qu'il y ait une traduction en lettres gothiques ou en tout cas chez les champions. C'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée à mon avis, puis c'est pas impossible qu'il y ait déjà un projet en cours. Oui, il y a toujours des trucs quelque part, hein, on sait jamais, ça dépend beaucoup du financement, des emplois du temps de l'universitaire qui est spécialiste du sujet, donc on va croiser les doigts et espérer. Du copyright de la version Brunel qui est maintenant que Disney a racheté l'été passé. Ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, espérons que la tendance autour de Geoffrey revienne à la mode, peut-être, ça peut être aussi intéressant. D'ici là, on va prendre congé de vous après cette. Ouais, on s'est dit, on va faire une émission plus courte, on va parler que de Geoffrey, mais en fait, finalement, il est assez riche et assez original, en fait, donc il y a beaucoup à en dire. Il y a beaucoup à en dire. On a dit que le début et la fin se moquaient un peu des tropes arthuriens, mais c'est vrai que ces scènes où Arthur est à la merci d'une bestiole et que tout le monde lui court après en pleurant et en hurlant, c'est assez marrant, et puis honnêtement, pas si fréquent que ça. Donc il a un ton particulier. Sa langue, on l'a dit, c'est un peu un ovni, parce que c'est le seul qu'on a gardé comme ça. Ouais, c'est le seul récit occitan, donc ça vaut aussi en soi pour cette perspective totalement différente, de la même façon qu'on c'est intéressant de regarder les versions allemandes, les versions anglaises, bah là cette version occitane qui est finalement voisine tout en étant relativement éloignée. Donc on va conclure là-dessus. On vous retrouve la prochaine fois avec un épisode sur les continuations de Perceval. On avait vu la première et la seconde des continuations. Là, on va voir celles qu'on appelle parfois la troisième et la quatrième, mais qui sont en fait un embranchement du multivers de Perceval, Into the Perceverse. Voilà, exactement. Et les continuations Manessier et Gerber, qui sont aussi très intéressantes, et qui va nous permettre d'explorer certains des thèmes qu'on a vus aujourd'hui. Mais on espère vous retrouver la prochaine fois. Puis n'oubliez pas, la quête continue.